Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux, même après l'apocalypse. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Hello. On se retrouve messieurs aujourd'hui pour parler d'un jeu de la Blacklist. Et oui, souvenez-vous, c'est vous qui avez choisi de nous faire jouer, de nous faire parler de Fallout 2. Ah, c'est de leur faute. Oui, c'est de leur faute, c'est les gens qui avaient choisi, effectivement, c'était la liste RTX off pour des vieux jeux PC. Et vous aviez choisi Fallout 2. Et bien aujourd'hui, on va s'intéresser à ce jeu culte. On va revenir sur l'histoire de la licence, son développement. Sa proposition aussi, parce que c'est un jeu qui est mine de rien assez unique, même avec le recul des années. Et puis l'avenir de la série, du CRPG en général, bref, un épisode qui va être assez dense effectivement. Oui. Le conducteur est assez long, donc préparez-vous pour un gros ride. Mais avant ça, on peut remercier notre sponsor Top Achat. Je le rappelle, c'est un site qui vend du matériel et des composants informatiques, cartes graphiques, boîtiers, claviers, écrans, tout est possible. Vous pouvez arrête de rage, disque dur, souris. Vous pouvez acheter tout ce dont vous avez besoin pour jouer sur PC. Vous pouvez aussi et surtout utiliser leur Configomatic, qui est un outil qui permet de configurer automatiquement sa propre bécane. Et tu sens qu'ils ont la même équipe marketing que les gens de Fallout sur les noms. Config, automatique, Configomatic. C'est vrai qu'il y a un délire un peu. Mais oui, il y a un truc un peu comme ça. Slash Fallout, effectivement, le Configomatic. Donc voilà, pour configurer votre bécane, s'assurer que tout est bien en compatibilité entre votre carte graphique, etc. Sachant qu'en ce moment, j'étais en train de regarder un peu le calendrier des sorties, on commence à sentir un peu l'après-vague Covid, et là, cette année 2023, il y a de quoi s'occuper. Les configs recommandées, elles ont pris un petit step-up là récemment. Effectivement, il y a aussi ça, c'est vrai que là, en ce moment, les sorties PC sont un peu compliquées en termes d'optimisation, il y a des petits soucis, mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui vont arriver là sur cette année 2023, donc si vous voulez refaire votre PC, c'est peut-être le moment. Avec un peu de chance, il fera tourner Fallout 2, on croise les doigts, on sait jamais. Voilà, ça, on ne veut pas non plus trop s'avancer, tout dépend de la configuration. Il fera peut-être tourner Starfield, mais Fallout 2, on ne sait pas. Sachez que moi, j'ai eu des ralentissements. Ah oui, des ralentissements. Moments où tu arrives dans une ville et tout est à 1 FPS toutes les 20 secondes, et tu fais, je vais sortir. Non mais j'ai qu'une 3070, tu vois ce que je veux dire, ça marche pas, c'est normal, c'est gourmand. Donc on remercie Top Achat pour sponsoriser Fin du Game, pour nous accompagner dans la création de cette émission. On va pouvoir passer au générique. Je vois que la musique n'a pas été choisie choix. En fait, au départ, je voulais mettre, les chansons qu'il y a dans Fallout 3, Fallout 4, là, les petits trucs des années 50, I Don't Want to Set the World on Fire. En fait, elles n'y étaient pas dans le 2. Ah, voilà. Et j'ai pas réécouté l'OST du 2 parce que j'étais occupé sur autre chose. Elle est fantastique. Je pense qu'on peut le dire. Peut-être mettre l'intro, War Never Changes, en français avec la guerre, parce qu'ils ont un petit façon années 50, c'est, voix c'est, nazière, c'est, oui, c'est vrai que les voix de Fallout, la guerre, c'est Frédéric Mitterrand, tu sais, au commentaire. Crédité au jeu, c'est Frédéric Mitterrand. Brian Fargo, Mitterrand, tu vois, c'est le même combat. Tu as péri. Très bien, et on se retrouve juste après ça. Give me a kiss to build a dream on. And my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this. A kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me. And my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part. A kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Alors, Fallout 2, c'est sorti le 29 octobre 1998, c'était sorti sur PC évidemment, puis c'est sorti sur Mac en 2002. C'est bien qu'il l'ait fait, hein, parce que l'époque, le Mac, bon, on va pas... Voilà. C'est développé, alors c'est crédité comme étant développé par Black Isle Studio, on reviendra d'ailleurs un petit peu sur cette subtilité, et puis c'est publié par Interplay Entertainment, et bon, on va revenir sur l'histoire d'Interplay, tout simplement. C'est fondé par qui, Maxime ? C'est fondé par une personne dont le nom est plutôt connu, Brian Fargo, et on aura l'occasion d'ailleurs de reparler un petit peu de lui, parce qu'il écrit une certaine page de l'histoire, hein, du CRPG. Lui, en gros, son histoire, hein, pour la faire courte, il a une famille plutôt riche. Il fonde Interplay, donc en 83, qui est un studio de jeux vidéo, qui va faire des jeux qui seront édités au début par Activision et après Electronic Arts. Il y a notamment en 85 Bard's Tale, qui est un RPG à l'ancienne, hein. C'est un peu une version moderne de Wizardry, de ce que j'ai vu, en gros. C'est littéralement ça. Oh, ouais, 85 quand même. Ça fait en fait, l'âge d'or du CRPG, c'est le début des années 80. Ouais, ça commence... Il y en a eu à balle à cette époque-là. Ouais. Lui, dans le studio, il va être producteur, scénariste, level designer en fonction des projets. Il y a un jeu qu'il faut absolument citer, qui sort en 88, qui est Wasteland. Je vais vous dire quelques éléments qui peut-être seront repris aussi plus tard, mais c'est un univers post-apo. Il y a des bêtes mutantes, il y a des persos un peu décalés, des compétences avec des choix, voilà, qui offrent des choix d'approche différentes, et une stat de charisme. Voilà, peut-être qu'on aura l'occasion... C'est rien à voir. Exactement. Il a pas du tout compris ce que voulait faire Maxime jusqu'ici. En fait, c'est Fallout avant l'heure. Et on verra pourquoi. Voilà, pourquoi est-ce que c'est Fallout et pas Wasteland 2. En 81, bah, grosse année, il y a aussi Neuromancer et Battle Chess qui sortent. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est un studio quand même qui marche bien, qui fait des jeux. C'est pas non plus des énormes succès, mais il fonctionne plutôt bien. Et il grossit pour devenir éditeur lui-même au final. Et il éditera notamment, il y a Lost Vikings, du studio qui deviendra Blizzard. Ouais. C'est quoi son nom à l'époque? J'ai un gros doute. Très déçu de cette personne. Et parce je que continue tu vois, je à me souviens de Blackthorn. Non, je retrouverai pas. Tu vois, je me souviens de Blackthorn, qui est leur autre jeu sous ce nom-là, mais le nom du studio là m'échappe. Désolé. Okay. Non, ce n'est pas grave. On peut le retrouver dans ton livre, si jamais. Oui, je dois l'expliquer. Ils vont éditer aussi la version américaine de Another World, et un petit jeu aussi dont on pourra reparler plus tard, qui s'appelle Baldur's Gate. Très bien, mais on va donc se concentrer sur Fallout. Là, le développement, ça commence en 94, donc ça fait quand même quelques années, ça fait un peu plus de 10 ans qu'Interplay existe, et c'est notamment une personne qui va commencer le développement de ce jeu, qui s'appelle Tim Kaine, et voilà, il va commencer à bosser vraiment tout seul sur le jeu, pendant que le reste du studio s'occupe de, à la fois du business, mais aussi du développement d'autres jeux. Et le seul moment où il est accompagné pour développer le jeu, c'est en fait après les cours. c'est après les horaires de travail, c'est-à-dire que c'est les autres employés vont venir le consulter, regarder un petit peu ce qu'il fait, lui donner des conseils, etc. Et vraiment, en fait, c'est comme ça que va commencer le développement de Fallout. C'est un jeu qui n'est pas fait de manière officielle. C'est vraiment tout le travail qui est fait en pré-production, c'est fait de manière officieuse, c'est-à-dire c'est sur la deuxième journée de travail, celle qui commence à 18h. Ouais, voilà. Donc, il y a plein de choses qui se mélangent, tu vois, parce qu'il y a cette ambiance très années 90, tu vois, rock'n'roll du jeu vidéo, où les gens font un petit peu comme ils veulent. Il n'y a pas encore tout le côté industrie qu'on a aujourd'hui, où tout est très formalisé, très codifié, très formaté. Et surtout, il y a cette espèce de vie complètement improbable où les types ils se disent, bon, après ma journée de 12h, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais en refaire une autre. Ouais, voilà, c'est ça. Tout. C'est pourquoi dormir? Les gens vivaient vraiment dans le studio, c'était une famille un peu entre guillemets, en tout cas c'est vraiment cette culture-là, et C'est vraiment le crunch, mais en mode Yes Life. C'est-à-dire que les gens, oui, ils bossent non-stop toute la journée, mais c'est vraiment volontaire, en fait. Il y a ce côté de, ils ont envie de rester le soir pour bosser sur des projets. Alors, ils jouent ensemble. Ça veut pas dire qu'ils vont pas se cramer, qu'il n'y a pas eu des problèmes de santé ou quoi. Mais, bien sûr. Non, je veux pas qu'on croie qu'on est en train de promouvoir le crunch, quoi. C'est juste pour dire que cette période-là, on en avait parlé quand on avait raconté la genèse de Diablo et d'autres jeux. En fait, vraiment, les types à l'époque, ils bossaient comme des yinches, quoi. Vraiment. Enfin, il le dit. D'ailleurs, moi, je vous invite à la regarder parce qu'elle est excellente, cette conférence. Là, de Tim Kaine à la GDC, où il raconte justement cette époque-là de Fallout, et il explique qu'il était en train de soudoyer ses collègues avec des pizzas pour qu'ils viennent l'aider à des moments où qu'ils viennent faire un peu de QA. C'est un peu surréaliste, mais c'est un bon représentant de son époque. Oui, mais ça montre un peu justement toute la complexité du truc, c'est que ça, ce n'est pas vécu comme du travail, tu vois. Il y a ce côté un peu temps libre, il n'y a pas de pression, d'ailleurs, comme c'est un projet officieux, c'est juste un collègue qui veut faire des trucs, et ils ont étant né au stade, de toute façon, qui est en général la plus intéressante pour beaucoup dans la création d'un jeu vidéo, c'est les idées, les systèmes, le côté, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place. C'est comme avant les conférences Nintendo Direct, c'est tout est encore possible, si le son peut être annoncé, FF17, Duke Nukem 12, voilà, tout est possible. Non mais c'était leur vie, en fait, à ces gens-là, ça se résumait à ça. Le développement qui, après, va évidemment devenir sérieux, ça montera jusqu'à une trentaine de personnes qui vont bosser sur Fallout, le premier. Concrètement, c'est vraiment, encore une fois, je sais pas si on en a pas parlé, mais Brian Fargo, c'est vrai qu'il avait ce truc quand il a créé Interplay, c'était par et pour les gamers. Il y avait ce truc de voilà, on est des rôlistes, c'est ça qu'on veut faire. Donc vraiment l'ambiance et c'est vraiment que des passionnés de jeux, c'est des gros geeks des années 80-90 sans forcément que ça se rappeler, tu vois, que c'est une population qui était assez marginalisée, c'est-à-dire que tu vois, ils ont grandi dans les années 70-80, ils avaient probablement développé des jeux de leur côté, ils avaient commencé à jouer à Donjons et Dragons. Enfin, c'est les gamins de Stranger Things, quoi, tu vois. Donc c'était pas les plus populaires du collège et du lycée, et là d'un coup, c'était des rockstars, ils pouvaient créer des jeux vidéo et passer leur journée à parler que de ça. Donc on peut, entre guillemets, comprendre pourquoi ils bossaient autant. Et ils vont mettre vraiment toutes leurs inspirations, donc évidemment du JDR, on va y revenir, mais il y a aussi des films, parce qu'il y a Road Warrior, ils citent La Cité des Enfants Perdus aussi, Jean-Pierre Jeunet. Road Warrior, qui est donc le premier Mad Max, c'est ça C'est le 1 ou le 2, Road Warrior. C'est le 2, je crois. Je crois que c'est le 2. Parce que Mad Max, le premier, est assez particulier, enfin en termes d'ambiance, c'est spécial. Le 2, c'est celui où il y a un village là qui est pris d'assaut. C'est vraiment juste une histoire de siège, donc c'est peut-être plus celui-là qu'ils ont dû regarder. Mais le 2, de toute façon, c'est celui qui est beaucoup plus fondateur, parce que là, il officialise le post-apo, parce que dans le 1, c'est pas très clair. Ils sont juste en Australie. Il y a un côté plus... il y a un côté, entre guillemets, les voyous, donc la vision des voyous de l'époque, donc du cuir, des trucs et tout, qui, je sais pas, prennent de la place, du pouvoir, quoi. Et le 2, c'est vraiment, ok, en fait, il y a eu une apocalypse, on se bat pour l'essence, c'est devenu une denrée. Et donc, je pense que c'est effectivement celui-là. Il cite aussi le The Day After. Il y a aussi DJV, des jeux vidéo, évidemment. Il y a XCOM, il y a Crusader, il y a Ultima, il y a évidemment Wasteland qui fait partie de leur référence. Et puis, niveau bouquin, il cite Je suis une légende, qui avait été adapté en film avec Will Smith. Après, il y a un autre livre qui cite qui est A Canticle for Leibowitz, qui est, et notamment, ils en parlent parce qu'ils reprennent cette idée que dans ce livre, c'est les gens après l'apocalypse vénèrent la technologie. C'est-à-dire que comme ils savent plus forcément comment la refabriquer, ça devient un peu vénéré. Et c'est vrai que ça me fait penser un peu au mec grappin. Ouais, ouais, c'est ça, mais sauf que là, c'est les super armures et les gros flingues. Et puis, un autre livre qui s'appelle On the Beach. Et puis, voilà, ce style années 50 qui va vraiment être là dès le début, cette idée de faire du rétro-futurisme, de prendre cette période et d'imaginer un autre futur à partir d'une certaine période. Ce qui, dans l'histoire des États-Unis, a beaucoup de sens, puisque du coup, les années 50, c'est vraiment la peur nucléaire qui dirige. On est en pleine guerre froide. Les communistes font peur aux États-Unis. Il y a toute cette période-là où, effectivement, ils ont peur de la bombe atomique. Et donc, imaginer que ça a pété à ce moment-là et que le monde, en fait, s'est stoppé, ça, tu vois, ça a du sens, en fait, dans leur histoire. En fait, de mémoire, dans le lore de Fallout, c'est que donc la guerre froide ne s'est jamais arrêtée, mais la bombe nucléaire, c'est 2077, je crois, dans Fallout, mais ils ont gardé un style un peu des années 50. Mais c'est pour ça qu'il y a de la technologie, parce qu'il y a quand même des flingues technologiques. Il y a des lasers. Ouais, des années 2070, du coup. Mais ils ont gardé une esthétique un peu vintage, et donc c'est ça le mélange qui marche bien. Le jeu, à la base, il ne s'appelle pas Fallout, il s'appelle Vault 13, hein, puis le fameux l'abri 13, dont on va partir dans le premier jeu. Mais ça marchait pas des masses, et je crois que c'est soit Brian Fargo, soit c'est Fergus Urquhart qui a joué au jeu et qui s'est, oui, j'ai réussi à le dire, et qui s'est dit, ouais, Vault 13, non, et il trouve le Fallout, en fait, et c'est à partir de là que ça s'appelle, ça s'appellera comme ça. Il cherchait un autre nom parce qu'il pensait à faire un Wasteland 2 à la base, mais c'est EA qui a des droits donc, de l'époque où, où on l'a dit, donc c'était développé par Interplay mais édité par Electronic Arts, ils ont gardé les droits. Brian Fargo a essayé de négocier les droits pour Wasteland 2 et c'était pas possible à l'époque. Le jeu il sera aussi longtemps basé sur un jeu de rôle papier qui s'appelle GURPS, G-U-R-P-S, juste pour expliquer, parce que c'est comme ça que s'appelle le nom, le jeu de rôle, mais en fait ce nom vient de son système, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça, les, ouais. les différents attributs, en fait c'est un acronyme pour les différents attributs. En fait, il voulait essayer de reprendre ce truc-là, de se baser vraiment ce système, d'en faire une adaptation en vidéoludique, mais ils n'ont pas pu avoir les droits, notamment parce que voilà, ils avaient des ambitions de faire des trucs un peu trop violents au goût de ce GURPS. Mais voilà, ils vont recréer un autre système d'attributs qui deviendra le fameux spécial, voilà, qui est aussi un acronyme qui résume les différentes compétences et attributs qu'on peut avoir. Et je sais plus exactement, tu vois, ça doit être strength, perception, je sais quoi, charisme, luck, agility, intelligence. Je les ai plus en tête, mais c'est ça. Ouais, voilà, c'est, voilà. Ça, c'est un truc assez classique. Mais ils ont un petit peu du mal à trouver leur direction au début, et c'est un des développeurs qui s'appelle Chris Taylor qui va faire une sorte de manifeste, comme ça, en plusieurs points. Alors, il y en a 14, 15, c'est à peu près ça, où c'est le Fallout Vision Statement, où ils vont établir vraiment ce qu'ils veulent essayer de proposer avec, avec ce jeu-là. Et il y aura notamment les Mega Levels of Violence. Ça, c'est le premier. Donc, voilà, c'est le premier, c'est voilà, c'est la violence. On veut de la violence. Alors, c'est y aura le jeu vidéo des années 90. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ce manifeste, il n'est pas destiné au public ou vraiment à la pub ou quoi. C'est plus pour mettre les gens d'accord. C'est plus un document interne, alors qu'il va aussi concerner la communication plus tard. Mais c'est, voilà, quel est le ton qu'on veut donner, c'est, on en a déjà parlé, mais c'est un peu dans les stades importantes, comme le concept art, tu vois, où c'est un peu pour mettre les équipes d'accord, savoir sur quoi on part. Et voilà, le premier, c'est Mega Levels of Violence, avec un côté parce qu'il écrit en plus des phrases en style ouais, ce jeu il est vraiment violent, on te prend par les tripes et les enfants ils meurent, il y a des gens, enfin tu vois, des petits détails comme ça, je t'envoie un lance-roquette, les voisins ils vont mettre des jours à nettoyer, enfin des trucs un peu comme ça, tu vois. C'était un auteur aussi, avant tout, d'être développeur. Et juste pour citer peut-être d'autres points, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce manifeste? Il y aura toujours des solutions multiples, voilà, plusieurs solutions, où il y avait une grande variété d'armes et d'action, voilà, parmi les donc vraiment, et c'est trouvable, hein, sur internet, hein, vous pouvez retrouver les 14-15 points, hein. Voilà, ce document interne qui était ce manifeste. Fun fact, donc on peut effectivement, on parlait des enfants, on peut tuer les enfants dans le jeu, ça fait partie du délire, mais par contre nous en Europe ce ne sera pas possible, parce qu'autant aux États-Unis, alors ils vont devoir avoir ils vont être rated, ils sont M, ouais, voilà, mature, mais nous quand ça arrive c'est pas PEGI 18, c'est genre non, on tue pas les enfants, il y a une liste de nono dans le jeu vidéo, et tuer les enfants, ça fait quand même souvent partie des trucs où tu verras pas dans du jeu vidéo, quoi. C'est, tu vois, on peut tuer tout ce que tu veux, tout ce qui passe par là, le tout venant, il y a pas de problème, mais pas les enfants. Voilà. Parce que t'as des jeux sinon qui contournent le truc, t'as des enfants, mais ils sont immortels ou ne prennent pas les coups. Enfin voilà, il y a ce côté sous tabou un peu. Et donc voilà, nous, la version de Fallout qui sortira en Europe, on ne peut pas tuer les enfants. Notre petit point actually rigolo, c'est que c'est pas de l'isométrique. On a l'habitude de dire que c'est de l'isométrique, mais non, c'est du cavalier oblique. Et quelle est la différence, me demanderez-vous? Et l'isométrique, c'est qu'en fait, il y a deux points de fuite pour créer... Non, vous ne demandez pas. Mais bon, tu l'as noté, donc vas-y. Non, mais juste pour expliquer aux gens, c'est qu'en fait, l'isométrique, il y a deux points de fuite sur la perspective, alors que sur le cavalier, il n'y en a qu'une seule. C'est pour ça qu'on voit un petit peu comme ça en diagonale. C'est comme ça qu'on crée la perspective, et c'est aussi parce que les cases, donc les fameuses tiles comme ça sur lesquelles est dessiné le monde, elles ne sont pas carrées, ce sont des hexagones, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que quand on veut aller tout droit, en fait on court en zigzag, qu'on va en haut ou en bas, parce qu'en fait il va tout droit si tu vas à gauche ou à droite, mais c'est en haut ou en bas, là il fait gauche droite, il fait des petits zigzags, donc voilà, si vous voulez vous enfuir, sachez que ça prend deux fois plus de temps. Il faut partir en diagonale, voilà. On reparlera évidemment de l'ergonomie de ce jeu. Histoire intéressante aussi, c'est que Diablo, on a fait un épisode de fin du game dessus. Diablo, ça sort fin 96, tout début 97, vraiment le 31 décembre 96. Et au moment où ça sort, c'est quand même vraiment un gros raz-de-marée, parce qu'il y a cette mise en place du temps réel pour le combat. Et ça va perturber, en fait, les équipes et surtout les têtes pensantes d'Interplay, voilà, qui se disent, apparemment ça marche bien ce truc, est-ce qu'on peut faire ça dans le jeu, est-ce que vous pouvez mettre du temps réel, est-ce que vous pouvez mettre aussi du multijoueur, parce que Diablo voulait mettre du multijoueur, et au final les équipes en interne ont un peu repoussé parce qu'ils se sont dit non. Silicon and Synapse. Merci, j'ai regardé sur mon téléphone. Je me disais, il est en train de bidouiller sur son téléphone. Mais tu sais, j'étais en train de dire, ah oui, c'est vrai qu'il fallait que je cherche un truc, tu vois. Et donc, okay. J'ai revérifié, c'était ça. C'était Silicon and Synapse, le nom avant Blizzard. Voilà, bienvenue on dans ce podcast. Fact-checking. Voilà, c'est fait. Donc, je disais, Diablo, voilà, forcément, ça les a un peu perturbés. Ils ont dû vraiment lutter contre le management pour conserver la vision solo et temps pas réel. T'as quasiment tous les développeurs et toutes les développeuses du monde qui peuvent te raconter cette anecdote du tout se passait très bien dans le développement jusqu'au matin où à côté du café il y a un des patrons qui dit au fait hier mon fils il a joué à ça. Il a joué à ça. Et moi j'aimerais bien. Et j'aimerais le bien jeu qu'on soit ça. Comme ça. Et t'as les gens qui ont la mine des confites parce qu'ils sont là, bah ça fait juste 2 ans qu'on travaille sur ce jeu. Donc ferme ta gueule s'il te plaît. Mais là on l'a vraiment, il y a cette idée que bah Diablo c'est assez marrant parce que tu sais il y avait l'anecdote comme quoi ils ne voulaient pas faire au départ un jeu en temps réel et finalement ça leur avait beaucoup plu et ça leur a réussi entre guillemets. Mais là bah forcément on voit un peu comment ça se passe dans la tête des gens qui prenaient les décisions à l'époque. C'était un peu YOLO en mode pourquoi réfléchir aux contraintes techniques quand on peut demander aux gens bah vous appuyez sur votre bouton et ça y est c'est du temps réel quoi. Non et puis surtout je pense qu'ils voulaient conserver cette vision du tour par tour parce que c'était leur philosophie etc. Et donc ils sont restés en mode solo au tour par tour. Par contre c'est à ce moment-là qu'ils ont ajouté les compagnons. Ils sont arrivés assez tard hein, puisque dans Fallout et dans Fallout 2 on peut avoir des gens qui nous accompagnent et on peut les recruter, mais c'est pas quelque chose voilà, c'est quelque chose qui est arrivé sur le tard. Et d'ailleurs je me demande si c'est pas aussi un peu pour ça qu'ils sont pas très caractérisés. Voilà, on les reconnaît pas hyper facilement, surtout dans le 1. Enfin, il y a un mec random qui est posé dans un truc, tu dis oui, je t'accompagne, tu fais d'accord, très bien, mais c'est tout. On n'a pas beaucoup plus d'informations sur ce gars-là. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est arrivé assez sur le tard. Ce qui est arrivé aussi sur le tard, c'est Black Isle, en fait. On s'amusait à dire que voilà, c'est Black Isle qui est crédité en tant que studio créateur de Fallout, mais en fait, Black Isle, ça a été fondé vraiment début 97. Donc c'est vraiment sur les derniers mois de la production de Fallout qui avait commencé en 94 que c'est cette entité-là qui est responsable du développement, mais en fait c'était Interplay voilà. Alors que pour le 2 ce sera évidemment bien Black Isle. La dernière petite anecdote concernant la production, c'est que le Q&A, donc tout ce qui est les tests pour que ça se passe bien, vérifier qu'il n'y ait pas trop de bugs et tout, c'était des volontaires du studio qui venaient le week-end gratuitement. Voilà, jusqu'au bout la production sera extrêmement maîtrisée, industrielle. Les conditions de travail, hein, évidemment. Voilà. Excellent. Des gens qui, on n'en doute pas, chacun touchait des royalties hein, sur le succès du jeu. Les QA, à mon avis, ils sont vraiment enrichis. Ça, c'est sûr qu'ils ont vraiment dû bien profiter de tout ça. C'est pas vrai, évidemment. C'est du sarcasme, je précise. Le budget pour le jeu, in fine, ce sera 3 millions et le jeu se vendra à 600 000 exemplaires, ce qui est vraiment une réussite, en tout cas à leurs yeux, puisqu'ils en espéraient beaucoup moins. C'est ça, en fait, c'est une réussite, surtout sur leur espérance. J'avais vu, c'était environ 200 000. Je crois, ils se disaient, voilà, ça on a à peu près autant, donc le triple des espérances factuellement c'est une réussite. Réussite pour cette nouvelle licence qui sort donc en 97, un premier gros succès. Juste pour rappeler quand même le contexte, 97, il se passe des choses quand même dans le jeu vidéo. Il y a eu déjà la 3D qui est arrivée à la fois, il y a eu Mario 3D, tout ça commence Tomb vraiment Raider, à arriver, etc., Tomb Raider, passés, donc, il y a eu PlayStation Doom. Est lancé, Doom est bien parti, c'est l'année de Quake 97, c'est Quake 2 même déjà. Je crois que c'est 96, Ça doit déjà être Quake 2 parce que c'est pareil, Quake 1, Quake 2 sont sortis avec peu de temps différence. Il y a surtout Final Fantasy 7, tu vois, qui pendant très longtemps était le jeu avec le plus gros budget ever. Il y a Age of Empires, enfin c'est vraiment les années fin 90, donc on va dire 96, 97, 98 et 99, vous pouvez y aller, c'est que des gros hits, la plupart des jeux en fait, et des licences qui ont été créées à l'époque sont toujours actives aujourd'hui, Fallout en fait partie. Mais bref, ils arrivent quand même à se faire cette place-là au milieu de tous ces gros mastodontes, parce que vraiment il faut se dire que aujourd'hui tu vois dans la bouche des gens c'est pendant un temps il y avait Battle Royale ou jeu service ou quoi, à l'époque c'est il faut faire de la 3D, c'est vraiment le truc à poursuivre, tout le monde veut investir dans des jeux en 3D et eux ils arrivent avec un modèle beaucoup plus traditionnel et pourtant ils y arrivent et ça fonctionne, donc c'était une belle réussite quoi. De toute façon on aura l'occasion d'en parler, mais donc Fallout 2 c'est en 98 et là aussi l'année 98 on en a déjà parlé, c'est une très très grosse année pour le jeu vidéo, l'an de grâce 98. D'ailleurs on va pouvoir enchaîner sur Fallout 2 parce que chez Interplay, chez Black Isle, ils n'attendent le Fallout 1 n'est même pas sorti en fait qu'ils commencent déjà à travailler sur une suite, mais ça va pas si bien se passer que ça en interne. Entre l'enchaînement hyper rapide, a priori les décideurs veulent quelques changements pour le 2 et tout ça fait qu'il y a plusieurs créateurs importants qui partent, dont le fameux Tim Kaine qui est à l'origine de ça. Je crois qu'il y a le directeur artistique aussi, il me semble, peut-être un des auteurs, enfin bref, c'est les noms qu'on retient qui sont partis. Et celui qui prendra vraiment le lead sur le projet, c'est donc le fameux Fergus Urquhart, donc qui sera le qui était division director sur le 1 et voilà, qui après lui il ira fonder Obsidian un peu plus tard. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment lui qui va diriger le jeu. Et à l'écriture, on peut citer Chris Avlon, voilà, entre autres, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais voilà, il y a lui qui a un nom qui deviendra connu, notamment... pas que pour des bonnes raisons, déjà oui, pour les bonnes raisons, entre guillemets, c'est parce que il a participé à l'écriture de tout un tas de gros jeux et il était régulièrement cité dans la plupart des RPG. Dans toute la période de folie autour de Kickstarter, là, des années 2012 à 2014, c'était devenu un stretch goal. D'avoir Chris Avlon à l'écriture de ton jeu, c'était devenu un truc. Parce que, pardon, mais juste pour revenir, donc, lui, c'est Planescape Torment. Planescape, c'est aussi Interplay, je crois. Oui, c'est le même Black Eye aussi. Et je crois que c'est ça, c'est que la raison pour laquelle il n'a pas écrit peut-être sur Fallout 1, c'est parce qu'il était en train de bosser sur ça. Il était peut-être en train de bosser sur autre chose. Je connais pas son CV par cœur. Et du coup, pourquoi on cite le bonhomme un petit peu, on va dire, avec un ton un peu triste, parce qu'il a été accusé à plusieurs reprises là de nombreuses affaires de harcèlement sexuel, et c'est un type du coup maintenant qui a disparu de la circulation. Et enfin, oui et non, puisque du coup l'actualité récente, c'est qu'il a réussi à avoir gain de cause au point de vue juridique. Ça voilà, s'est réglé à l'amiable. Les nanas ont dit non, en fait, ça va. Parce que la cancel culture, en fait, tu sais, ça détruit des carrières. Oui, ça détruit des carrières, on s'en rappelle. Bon, techniquement, lui, il s'est fait jarter de. C'est quoi? Il était sur Dying Light. Oui, Dying Light 2, il était sur crois, plusieurs projets où il s'est fait éjecter instantanément. Mais bref. Mais il n'y a personne d'autre, en fait, c'est ça le problème. Il n'y a vraiment personne d'autre qui peut écrire des RPG. Non. Et non. Ce sera aussi beaucoup le bordel, quand même, pour ce deuxième épisode. La production va être extrêmement compliquée. Autant le premier, c'était un peu à l'arrache, tout le monde, les gens étaient contents, mais là, le deuxième, déjà, va se faire sur un temps extrêmement court, hein, puisque je le rappelle, il sort moins d'un an après le premier épisode. Et voilà, ça va être vraiment le crunch à fond, le bordel en termes de management, d'organisation, avec les décisionnaires qui sont partis. Donc voilà. Un jeu très très compliqué qui sera vraiment fait dans la douleur et qui sortira absolument rempli de bugs qui le rendent pas injouable mais pas loin en fait à l'époque où ça sort. C'est pas facile de jouer à Fallout 2. Il y a ça et puis il y a aussi le fait que, parce qu'on râle, enfin tu vois, tu entends toujours des gens râler sur les jeux aujourd'hui, c'est juste qu'à l'époque ça faisait partie un petit peu de l'expérience, quoi. Ouais. Tu savais qu'il y avait des trucs qui pouvaient déconner, les gens essayaient de trouver des solutions un petit peu comme ils le pouvaient à l'arrache ou à remodifier eux-mêmes le jeu s'il le fallait. Mais là, oui, de toute façon, en fait, quand Fallout 2 sort, étant donné qu'il a été vraiment rushé, ça se sent, parce que même au niveau de la presse, par rapport au premier épisode, c'est pas un jeu qui a tant marqué que ça, on va dire, sa sortie. Il est quand même bien reçu, hein. Ouais. On est quand même à 86 sur Metacritic. Mais disons que par rapport au 1, qui est sorti il y a moins d'un an, c'est pas le grand renouveau, la révolution ou quoi. Il y en a même qui vont dire que peut-être que le 1 est meilleur, tu vois. Donc c'est pas, voilà, il met pas forcément tout le monde d'accord par rapport au 1, mais globalement, les deux jeux pris ensemble restent quand même des jeux. Et c'est surtout sur la durée que Fallout 2 va vraiment gagner ce statut. Oui, en fait, parce que justement, il prend une direction qui est un petit peu différente dans sa tonalité, dans ce qu'il raconte, et justement, on en parlera par la suite. En termes de vente, ça va être moins que le premier, puisque en 2000, donc 2 ans après la sortie, un an et demi après la sortie, il s'est écoulé à 123 000 exemplaires aux US, donc on peut imaginer que c'est le double à peu près 200, à l'international. 300 000, ce qui est, en 98, c'est pas mal, mais par comparaison, par exemple, un StarCraft qui est sorti aussi en 98, lui, c'était vendu à 1,5 million en un an. Et Baldur's Gate, c'est 2 millions. Ouais, qui sortira en 2000, hein, c'est ça. 98, le premier. Non, c'est 98 aussi. Et qui est édité par d'ailleurs Interplay. Donc en fait, pour ce que c'est par rapport à la licence, le projet, c'est pas un échec commercial total, mais il y a toujours ce côté de... Il y a d'autres jeux qui font beaucoup mieux, quoi. C'est... Non, mais c'est surtout que c'est rigolo de voir a posteriori, tu vois, la place que peut avoir Fallout l'imaginaire du jeu vidéo moderne, avec Baldur's Gate qui a plus ou moins disparu, hein, tu vois. Là, c'est en train de revenir avec le 3, mais pendant pas mal d'années, on n'en entendait plus parler, alors que Fallout, comme c'est avec vraiment le 3, c'est le Fallout 3 qui s'est le plus vendu, il me semble, plus que le 4 encore. Après, New Vegas, c'est très bien vendu. Ouais, mais de toute façon, ils se vendent tous très bien. En fait, Fallout 2 est extrêmement connu pour son côté culte et tout, mais bon, à l'époque, ça a pas fait un carton comme on pourrait l'imaginer. Je vais peut-être un peu visiter en besogne, mais je pense que justement des épisodes comme New Vegas, etc., ont beaucoup plus participé à faire connaître Fallout. Et après, les gens se sont dit, ah oui, il y avait un truc qui existait avant, en tout cas dans l'image linéaire du grand public. On en parlera à la fin de l'épisode, mais oui, effectivement, Fallout a pris en fait une ampleur beaucoup plus grande après. C'est ça, voilà. Cet épisode-là, en fait, vraiment, moi, quand j'ai vu les chiffres là en préparant l'épisode, j'ai fait, ah ouais, c'est tout. Oui, mais c'est vrai, littéralement, c'est ce qui est marqué, c'est pas beaucoup, quoi, comparé à des millions de sellers qu'on peut peu mentionné dans des années comme ça. Vraiment, c'est un jeu qui s'est pas du tout vendu comme ça. Alors j'imagine que les bugs étaient responsables. On est aussi sur une période où le piratage, ça pouvait, c'était pas trop mal. Honnêtement, j'étais trop jeune pour m'en souvenir. Ouais. Je saurais pas te dire ce qui a pu se passer à cette époque-là. Est-ce que c'était parce qu'il y avait une sorte de fatigue, tu vois, les gens, on consommait pas le jeu vidéo de la même manière. L'autre jeu, il était sorti il y a moins d'un an. Ouais. Ça se trouve, il y avait toujours des gens qui étaient en train de découvrir, de jouer à Fallout, et puis qui étaient sur Baldur's, qui peut-être la concu, qui était sur autre chose, qui avait bien plein d'autres choses qui sortaient en 98. Voilà. Bref, c'est vrai que c'est difficile d'expliquer les chiffres de vente quand on n'a pas vécu, mais voilà, j'avais 7 ans, je ne savais pas que ça existait cette histoire-là. Avant de passer à l'histoire, je voudrais remercier nos patriotes, tous les gens qui nous soutiennent sur Patreon. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir l'émission en faisant des dons mensuels deux fois par mois, hein, par épisode, hein, c'est comme ça que ça marche. Un petit euro, deux petits euros comme ça, pas plus gros qu'une pièce de 2 euros, vous la mettez dans la fente de votre PC et vous pouvez financer. C'est dommage qu'il n'y ait pas ce système. Je pense que le financement participatif, si on pouvait mettre des petites piècettes comme ça dans une fente, je pense qu'il y a beaucoup plus de production qui pourrait exister. Mais voilà, il faut prendre sa carte bleue, vous pouvez le faire. Merci à toutes celles et ceux qui choisissent de nous soutenir. On va pouvoir passer à l'histoire de Fallout 2 qui se déroule 80 années après la fin du premier. Et pour rappel, en fait, à la fin du premier, le premier, c'était... un gars qui sortait de son abri, qui était l'abri 13, et il fallait chercher une puce d'eau pour pouvoir, parce que voilà, il y avait plus d'eau dans l'abri, donc il fallait chercher ce truc là et on allait évidemment réussir à trouver la fameuse puce d'eau, et on allait aussi découvrir que voilà, il y avait des mutants qui essayaient de dominer le monde, mais grâce à la force du flingue. Vous peut-être expliquer ce qu'est un abri juste dans le contexte. Ah oui, l'abri antiatomique. Non, mais du coup c'est même plus que ça, c'est-à-dire qu'en fait ils ont, c'est pas juste des embryades antiatomiques en mode survie là, c'est qu'ils créaient vraiment des mini villes, ouais, qui étaient pensées pour survivre des centaines et des centaines d'années. C'est avec ils prenaient en compte le fait que les gens allaient avoir des enfants, il y avait des écoles, etc. Si vous vous souvenez de l'intro du 3, justement, il y a tout le délire autour de l'enfance qu'on peut vivre très rapidement. Et donc, l'idée, c'était de faire vivre ces gens-là des milliers d'années, entre guillemets, en attendant que la planète redevienne vivable. Je crois que c'est ça qui s'appelle le Fallout, c'est la radioactivité qui tombe. Exactement. Ouais. Sauf que, en fait, quand l'abri 13 s'ouvre, c'est loin d'être terminé, c'est un peu la merde. Mais surtout, la planète n'est pas si déserte que ce qu'ils pouvaient imaginer, en fait. Parce que, évidemment, les gens, comme ils sont coupés de la réalité, ils savent pas forcément ce qui se passe à la surface. Et le héros de Fallout 1 va découvrir des tonnes de choses. Il en découvre même beaucoup trop. C'est ça. Coup, il va faire que le doyen lui dit écoute, merci d'avoir ramené la puce d'eau. Bravo pour tout ce que tu as fait pour ce monde. Merci pour tout. Mais le problème, c'est que tu en sais trop. Et je pense que c'est pas bon pour l'abri qui découvre que voilà, qu'il y a des jeux vidéo, des trucs comme ça. Enfin, t'imagines, ils vont péter un câble. Donc, on préfère les garder là avec nos conserves de Buitoni. Et. S'il te plaît, barre-toi, et on peut choisir de le buter ou pas, mais en tout cas on part. Vraiment, Fallout se termine sur ce plan où on voit le héros comme ça qui s'en va dans le désert, et en fait 80 ans plus tard on se rend compte que ce héros, il allait fonder un petit village au nord de la côte irréductible. Exactement. Ils ont 2-3 brahmines, des vaches à deux têtes, les gens s'habillent avec des os et des petites peaux de bête, et puis voilà, il y a un petit village quoi. Ce qui se passe à ce moment-là, ils les appellent des tribales, hein, je crois. Ils ont un surnom, c'est leur petit village. Et donc eux, ce qui se passe, c'est que les conditions de vie à la surface sont toujours aussi merdiques, hein. Ça n'a pas évolué. 80 ans, c'est peu à l'échelle de la demi-vie d'un atome qui a explosé. Enfin, bref. Et donc notre nouveau héros, qui est un descendant du héros du 1, va devoir partir à la recherche du Geck. En anglais, nous en français on dit le Jack, le jardin d'Eden en kit, qui est en fait une petite valise avec des outils de terraformation. C'est gogo gadget, la planète. Exactement, va mieux. C'est une capsule corps, tu l'appuies, tu la lances et ça y est, il y a des arbres et un petit étang et on peut faire à manger. Et ça permet donc non seulement, pas forcément que de sauver la planète, mais ça permettrait de sauver au moins le bout de terre autour du village. Et on va partir donc du nord de la carte à la recherche de ça. On va débuter l'aventure, il va nous arriver des tonnes et des tonnes de péripéties, on va pas évidemment tout vous raconter là. Et on découvre, on est censé retrouver ce fameux abri 13 dont venait notre ancêtre. Évidemment, ça va pas du tout se passer comme prévu. La princesse déjà, est dans un autre château. L'abri, en plus, il est à Pétaouchnok, donc ça va être très très long avant d'y arriver. On va visiter des villes, on va croiser des esclavagistes, on va croiser des mafieux, Des nouvelles sociétés qui sont organisées, comme la RNC. NCR, c'est New California Republic en anglais, et du coup, c'est NRC, c'est la Nouvelle Californie. Ils ont un système de citoyen, c'est super difficile pour devenir citoyen. Et puis par contre, ils n'ont pas d'esclaves, ça, c'est juste ça, c'est les gens. Non, c'est ça, les... c'est la Cité de la Brie. Ah oui, ça. C'est la Cité de la Brie, autant pour moi, je confonds avec une autre. Voilà. En oui, fait, il y a la Wall City. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs petites entités comme ça, avec différentes sociétés, des différents modèles en fait, qui essaient de se construire. Il y en a où c'est beaucoup plus hiérarchisé, beaucoup plus strict, comme, c'est, comme la Cité de la Brie ou ça. Ou alors, tu as New Reno, qui est la fameuse ville de tous les villes. C'est Las Vegas. Ouais, c'est en gros, c'est un peu le Las Vegas qui tient la ville. Alors, c'est une référence au 1, mais il y a une ville, parce que le 1, il y a cette histoire, il y a des super mutants qui sont créés, et il y a une ville, en fait, qui s'est créée où les super mutants vivent en communion, en tout cas, en paix avec les humains, et toi, t'arrives et tu découvres un peu ça, enfin, t'es un peu choqué par ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai, ouais. Et puis voilà, bref, on va croiser tout ce monde-là jusqu'à arriver à San Francisco, notamment, qui est une des villes principales. Et c'est là, en fait, qu'on va découvrir que... non, on va récupérer le jet. Tu vas à l'abri 13, tu trouves le jack, ouais, donc voilà. Ta quête, normalement, est terminée. Tu vas retourner au village pour le happy ending. Tu arrives au village et il y a le chaman du village qui te dit, bah, en fait, non, tous les gens, la princesse est dans un autre château. Tous les gens ont été enlevés par des libellules géantes, il dit, en tout cas, dans la VF. Moi, j'avais pas capté au début. Ce sont tout simplement des hélicoptères. Et, nouvelle mission, il faut retrouver les gens du village et tu découvres qu'il y a une faction qui s'appelle l'Enclave, des gens qui ont encore accès à ce genre de technologies, qui sont très militarisés, qui ont des super armures, comme dit des hélicos, ils ont un avant-poste qui est au sud de la ville et tu découvres qu'en fait ils ont une plateforme pétrolière qui est encore plus loin et il faudra réunir différentes conditions mais pouvoir faire marcher un pétrolier qui pourra y aller, c'est là que tu vas pouvoir retrouver les gens du village et les libérer. Et voilà, tout est bien qui finit bien. On récupère le jet et ça y est, c'est parti. On peut. Ouais, on peut dans les petits détails de l'or, on apprend que l'enclave, en fait, eux, leur objectif, c'était de purifier entre guillemets la planète, non pas en terraformant tout ça, mais en zigouillant tous les mutants. Mmh. C'est-à-dire que comme l'humanité avait muté, même les gens qui n'étaient pas devenus des super mutants, leur ADN avait changé, et donc ils allaient manipuler un virus qui allait tuer tout ça, et après ils auraient pu contrôler le monde. Et nous, évidemment, on va les empêcher de faire ça, quoi. Oui, un délire très eugéniste, côté la vieille Amérique pure, qui serait la seule à avoir le droit de revenir sur les terres. Parce qu'on apprend que oui, nous, on a l'air vraiment humain. Voilà, il n'y a pas une mutation physique, mais en fait, au niveau biologique, au niveau de l'ADN, on a complètement muté. Bah, donc, on est dans la liste. Vu deux bramines, tu sais très bien que si tu as mangé ça, il y a un problème. Globalement, effectivement, t'es pas bien. Mais c'est vrai qu'il y a les ghouls, donc les personnes qui ont vraiment été hyper irradiées, qui ressemblent un peu à des zombies. Il y a les mutants qui, eux, sont beaucoup plus gros, hyper forts, qui ont été créés. Dans le 1, il y a toute une histoire. En fait, c'est tout un petit peu le fond de l'histoire, c'est de découvrir qui les créé, ces gros mutants. Il y a aussi une espèce de peuple. Je crois pas qu'ils s'appellent des ghouls, même si physiquement ils n'ont pas créé de nouveaux assets pour les différencier. Mais c'est des gens qui vivent sous terre depuis des centaines d'années. C'est comment d'années. C'est Nécro machin. Il y a une espèce de ville qui s'appelle comme ça. Pas Nécrolimbe, mais pas loin. Ils sont cachés sous une ferme qu'ils entretiennent. Tu peux passer un contact avec eux. Et eux, en fait, ils sont terrifiés par la surface parce qu'ils n'ont plus l'habitude. En fait, quand ils regardent le ciel, ils sont aspirés, tu vois, ils sont vraiment pas bien, donc ils vivent sous terre aussi. Bon, c'est vrai que là, on peut justement, voilà, l'histoire est assez classique, il y a vraiment ce côté, tu vas faire une quête, tu finis cette quête, et en fait, c'est pas vraiment fini, tu dois sauver le monde. Ça, c'était pareil dans le 1, c'est pareil dans le 2, ils reprennent le même truc, sauf que c'est un petit peu différent. Voilà, on change juste, à la place de la puce d'eau, c'est le Jack, et à la place de tout le monde devient des super mutants, personne devient, plus personne n'est des mutants. Donc, on retrouve un peu ce truc scénaristique. Ce qui est fort, par contre, c'est vraiment tout cet univers qu'ils ont créé, et puis vraiment ce côté, comment on peut aborder en fait toute cette aventure, parce qu'il y a un système moral qui est, c'est pas vraiment un jeu qui est très manichéen. J'ai dit machiavélisme. Non, mais c'était mignon, je trouvais. Mais c'est le bon mot, c'est manichéen. Il n'y a pas forcément de notion de bien ou du mal, même s'il y a des systèmes de karma et tout, mais il y a une moralité qui est assez ambiguë. On peut aborder les choses un petit peu comme on le sent. Oui, ben en fait, ça fait vraiment partie de leur objectif de s'éloigner des codes un peu classiques, parce que il faut le savoir, hein, à l'époque, les jeux post-apocalyptiques, ça peut paraître étrange, parce qu'aujourd'hui, on est noyé sous du post-apo. À l'époque, c'est très rare. Et la plupart des jeux de rôle sont des jeux donc, de fantasy assez classiques. Il y a des elfes, il y a des nains, il y a des orques. Ou de la SF plus traditionnelle. Ou de la SF pure. Ouais. Voilà, un peu plus, tu vois, on parlait de Crusader tout à l'heure, on est vraiment dans des trucs très futuristes. Mais ce côté post-apo, il n'y a pas. Et ça leur permet, en fait, de jouer vraiment sur... de trouver un ton à eux et de chercher à faire une espèce de zone grise. Ce qui est assez drôle, parce que c'est des choses qu'on va relever retrouver, tu vois, dans des RPG beaucoup plus modernes, qui cherchent justement à s'éloigner du côté très manichéen. On se souvient, tu vois, quelques années après Fallout 2, il y a Fable qui sort, et Fable, bon, bah, c'est vraiment l'exemple vraiment, typique où tu as des petites ailes d'ange et une petite auréole, ou alors t'as des cornes. Petites cornes, parce que tu es un petit diablotin méchant, coquin. Non, et puis ce qui est intéressant, c'est que comme dans leur univers, ils essaient de créer, justement, on en parlait, de ces différentes villes, bah, elles ont chacune leur système de valeurs. Tu sens qu'elles essaient de reconstruire un peu une société avec une certaine idéologie de comment ça va fonctionner et comment on va pouvoir s'en sortir pour survivre au sein de cette société. T'en as qui sont voilà hyper libertaires et ça va être bah voilà le crime, le vice et tout qui va s'emparer du truc. Et à l'inverse, t'as des systèmes beaucoup plus stricts où il y en a ils veulent pas parler avec des ghouls, il y en a ils les acceptent et tout. Donc ça permet d'explorer en fait des systèmes moraux et de vision du monde en fait qui sont différents. Et c'est un truc qui devient même complètement l'argument de vente de Fallout, parce qu'on l'a dit ça, donc l'univers un peu atypique avec plein de modèles différents et le côté RPG avec des choix et tout, bah ça veut dire que tu peux rejoindre, tu peux devenir esclavagiste, tu peux être un mafieux, faire des missions pour eux, tu peux être une star du porno, ça c'était le grand... c'était écrit sur la boîte. C'est marqué derrière sur la boîte, devenez mafieux, devenez une star du porno. Donc, mais c'est vrai que, alors, comparé au 1 qui est beaucoup plus classique en fait dans son approche du post-apo, on retrouve des motifs un peu, voilà, qui sont dans ces trucs de Road Warrior, etc., les références qu'on a citées. Là, le 2, tu sens qu'ils avaient envie d'aller chercher un petit peu plus de la criminalité. Quand t'arrives à New Reno, tu vois que des mecs avec des Borsalino, tu fais mais il y a des tailleurs maintenant, ça y est, il y a des mecs. Non, mais tu sais, ils ont dû trouver un magasin qui traînait, ils cherchaient des capsules de Lucas et ils ont trouvé des chapeaux. Ils sont dit, on peut s'habiller comme ça, ouais, c'est vachement bien. Oh, des Tommy Gun avec des camemberts comme ça, attends, c'est vachement stylé et tout. Mais oui, effectivement, ils ont recréé ça. Il y a toute cette histoire avec la drogue aussi, il y a le trafic là de cette drogue qui s'appelle. C'est le jet justement, où t'as un mec qui est en train de le fabriquer, il y a un mec qui fait Breaking Bad, il y a un Walter qui est White. Un ado, hein. Ouais, c'est vraiment. Ah, c'est un ado, ouais, je me souviens plus. Il doit avoir à peine 18 ans, tu vois. Et tu découvres, je crois, en gros, c'est fait à partir de la merde de Bramine, je crois, en gros. Tu découvres l'ingrédient secret. Et tu peux arrêter, justement, ce fameux trafic, tu peux y mettre, tu mettre peux fin. Embaucher le mec qui fait les drogues, là. Moi, il était dans ma team. Hein, donc, Alors, la moralité de Maxime. Il y a tous ces choix-là. Bah, en fait, il y a vraiment ce côté, ouais, quelqu'un de plus, il me faut, parce que j'avais pas maxé mon équipe. Mais ça montre justement, tu vois, juste avec ce genre d'exemple, ouais. C'est la quantité de choses qu'on peut faire dans le jeu qui ont parfois quelque chose de très concret. C'est-à-dire que, tu vois, tu peux effectivement embaucher des gens et ils se retrouvent dans ton groupe. Tu peux littéralement devenir esclavagiste, etc. Et du coup, vendre des gens de ton groupe. Et du coup, le monde ne va pas réagir de la même manière à ce que tu fais. Et il y a des choix qui sont beaucoup plus factices. Le fait d'être star du porno ou d'être mafieux. Bon, en fait, c'est une quête, c'est une quête. Ça y est, vous êtes star du porno. Ok, merci, je suis star du porno. C'est du texte, en fait, ça se limite à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même vraiment cette espèce de liberté. Enfin, tu vois, par exemple, les esclavagistes, si à un moment tu décides de revenir dans le premier village où t'as libéré Vic et que tu veux buter tous les esclavagistes, c'est une quête, en fait, c'est possible. Tu vas gagner de l'expérience et tu peux buter tout le monde. Et même moi, quand je suis arrivé à New Reno, il y a une famille, je les ai tous zigouillés parce que ça s'est mal passé. J'ai fait, eh ben tant pis, vous allez tous mourir, c'est pas grave, vous allez tous y passer. Et voilà, il y a une des familles qui était plus là. Il y a cette idée, tu vois, qu'on n'a pas dans tous les jeux. Il y a relativement peu de jeux qui se permettent de faire ça, mais tu vois un NPC et en fait à tout moment tu peux décider de péter une pile et de lui tirer dessus. En fait, tu sors ton arme, tu tires et tu verras bien ce qui se passe. Et là où c'est plutôt malin et assez impressionnant quand on pense quand même au peu de temps qu'ils ont eu pour développer le jeu, c'est la quantité de choses qui sont prises en compte dans les décisions un peu à l'arrache des fois que tu vas prendre, qui sont prises en compte et qui sont notées par les gens qui t'accompagnent ou que tu vas croiser. Et ça pourrait être casse-gueule dit comme ça, tu dis un jeu de 98 fait par des mecs où il y a ce côté méga levels of violence, mafia, star du porno. Bon, il y a un côté un peu ado, c'est edgy comme edgy, on dit. Edgy, alors pour expliquer en français, edgy, mais ce côté un peu... Comment traduire un peu edgy Non, parce que c'est beauf, du coup, différent de beauf. Ouais, justement, edgy pour moi c'est un peu beauf. Hein. Pas forcément. Non, justement, parce que Fallout 2, il est, je trouve, un peu edgy, mais ça marche, tu vois. Mais pas trop beauf. En fait, mais il faudrait expliquer edgy. Non, mais sans chercher, je pense que les gens comprennent un peu de quoi on veut parler. C'est-à-dire qu'en fait, dans la représentation de la société, etc., on est à une époque où le jeu vidéo, bon, il y a Duke Nukem, tu vois, on est vraiment dans ce délire très. mascu, les ados, la violence, les gros bonhommes, les gros muscles, etc. Bah, c'est pas pensé comme ça, c'est-à-dire et c'est Fallout, pas, c'est pas du tout dans, c'est ce pas dans une démarche d'être mascu, ouais. C'est juste qu'il y a ce côté un peu sulfureux, il y a eu Doom qui est sorti, ouais, donc ouais. Voilà la violence. Il y a un côté un peu plus subversif. En fait, à l'époque, je trouve que la violence qu'essaie justement de faire Fallout, je trouve qu'en fait elle est encore subversive à cette époque en fait dans le jeu vidéo. Je trouve qu'aujourd'hui, ça l'est plus mais, du mais tout. Mais 15 secondes plus tard, elle ne l'était plus, tu vois, parce que quand Mortal Kombat sort un peu après. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est critiqué, mais c'est pas. En gros, Edgy, il y a ce côté choqué pour choquer, et c'est rigolo de jouer avec les limites et de choquer un peu les gens, genre haha, vous êtes choqué, moi ça me choque pas. Mais je on joue toujours avec les mêmes limites, c'est-à-dire que oui, bien sûr, des nanas, c'est la violence et le sexe, quoi, souvent. Mais ça marche toujours parce que l'univers fait que ça marche, le côté post-apo, la carte un peu du bah les gens ils ont créé la société qu'ils voulaient, et finalement, tu vois, on dit il y a pas mal de conséquences et tout, et c'est vrai, mais dans les détails, il n'y a pas non plus, tu vois, des 1000 conséquences à ce que tu fais, et surtout, les conséquences sont rarement vraiment frustrantes. C'est que ça sert quand même ton expérience de bon, je suis libre de faire ça. Il y a une écriture qui fait que c'est très expéditif. En fait, il y a un peu ce côté le monde est ton terrain de jeu. On l'a dit, tu deviens mafieux. En fait, tu ouvres la porte du chef des mafias, tu fais salut, vous n'aurez pas un travail pour moi, et boum, c'est bon, t'es mafieux. Donc, c'est ça qui marche bien. Un côté très bonjour, je veux faire une tâche, voilà la tâche, ok, c'est bon. C'est très expéditif. Disons, mais même ça d'un marche. Point de vue de la moralité, ce qui est pas mal, c'est qu'ils sont pas dans une espèce de récompense. C'est-à-dire qu'ils savent qu'être esclavagiste, enfin, tu comprends que dans le jeu, être esclavagiste, c'est pas quelque chose de fondamentalement très bien. Bah, là, c'est un système de valeurs. Esclavagiste, tu vas vraiment être puni parce que t'as des gens qui vont pas du tout vouloir interagir avec toi, tu vas te priver de certaines quêtes, etc. Donc, esclavagiste, c'est quand même globalement un mauvais délire. Mais après, le reste, être mafieux, ça passe. Mais tu peux être citoyen de l'abri et c'est une caste, ils ont des esclaves en gros qui travaillent pour eux, et ça, c'est pas particulier, c'est pas un problème parce qu'il y a un peu cette hypocrisie. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Et derrière ça, le jeu est pas ce que je disais qui est très casse-gueule aussi, ce que tu peux avoir des relations sexuelles, et c'est pas traité, je trouve, moi en tout cas, de manière giga beauf ou quoi. Il y a ce côté, t'as vu quelqu'un, a priori ça voulait coucher, c'était ok pour coucher avec toi, petit fondu au noir, hop, tu travailles, c'est bon, t'as couché avec la personne. Il y a des petits trucs un peu bon, Kamasutra, qui fait que t'es une bête de sexe, comme ils disent, ça, bon, t'es un peu oui, ok, ça c'est les, un peu beauf. Dans les caractéristiques spéciales de ton perso. Ouais. Mais globalement, de ce que j'ai vu, c'est parce que tu peux incarner un homme ou une femme, si t'incarnes une femme, il y a pas mal de persos qui vont moins te prendre au sérieux, mais ça colle un peu avec cet univers vraiment mascu, survie du plus fort, machin, mais tu pourras quand même faire les mêmes quêtes ou quoi. Donc, c'est pas un jeu que je trouve particulièrement beauf, et c'était vraiment casse-gueule, comme dit, tu vois, un jeu de 98, des mecs qui font ça. Enfin, je sais pas, moi j'ai découvert, alors désolé si je remets une balle, mais j'ai joué à Mass Effect il y a pas longtemps. Je trouve Mass Effect plus beauf en fait que Fallout 2, oui, non, mais sur son traitement, dans le traitement, voilà, le traitement des romans, dans le traitement même des femmes, etc. Fallout, bizarrement, est pas si cliché que ça. Et il va autoriser, et surtout, il va nous autoriser à quelques petites folies qui, pour l'époque, sont assez, là pour le coup, sont très subversives. Enfin, tu vois, tu peux avoir des relations homosexuelles. Il y a très peu de jeux vidéo de cette ampleur qui faisaient ce genre de choses. Ils en font pas cas. Ouais. Oui, contrairement à Mass Effect où les romans, c'est tout, tout un délire. Il y avait des quêtes avec les personnages, etc. Où c'est vraiment. Non, c'est mais tu sais, ils avaient inventé une espèce, ils avaient inventé les nanas bleues. Oui, bien sûr. Tu vois, ils avaient créé. Mais c'est ça qu'en fait, alors que dans l'expérience de Fallout 2, tu vois, c'est juste un détail parmi un autre, tu vois, c'est bah j'ai aidé un mec à protéger ses vaches de chez chien et j'ai couché avec une meuf, tu vois, c'est juste un détail presque du quotidien entre guillemets que tu peux avoir dans le jeu. C'est aussi expéditif que tout le reste. Exactement, en fait. C'est ça. Ça te dit on baise et tu fais voilà, ok. Le jeu n'en fait pas cas et du coup tu te mets pas des grands coups de coude dans le beat pour te dire t'as vu ce qu'on a fait. Il le traite aussi expéditivement que tout le reste, et c'est ça qui fait que c'est réussi et ça part dans plein de sens. Alors vraiment, c'est un jeu où tu croises énormément de personnages, ils ont toujours des problèmes, tu vas devoir les aider, patati patata, et surtout il y a toujours ce truc de dire bah voilà, j'ai toujours deux solutions possibles. Il y a un mec qui me demande de faire ça, mais je peux aller voir l'autre mec et lui dire bon, il y a ce mec là il me demande de faire ça, qu'est-ce que toi tu peux me proposer. Il y a ce côté là qui va faire que tu peux toujours te positionner en fait par rapport à ce qu'on te demande de faire. T'es pas obligé de suivre forcément les quêtes qu'on t'impose, quoi. Et même si tu fais un truc plutôt valeureux, c'est-à-dire moi globalement c'est ce que je faisais, j'aidais les gens parce que de toute façon ça te donne de l'XP, de l'argent, donc voilà, il y a le système de karma, c'est les récompenses en XP, hein. Il y a une vision du monde quand même qui est dedans, mais globalement t'aides des gens dans le jeu, et il y a des gens qui vont mal le prendre, tu as justement les esclavagistes ou les bandits qui parfois peuvent faire du commerce avec toi, parfois ils vont te dire ah c'est toi le connard qui aide tout le monde, mais j'aime pas les gens comme toi, et ben dégage, quoi. Ils vont pas non plus t'attaquer, mais t'as une petite punition après, tu vois, enfin ils te récompensent. Après, l'équilibrage est fait que bah si tu tues tout le monde, tu vas gagner aussi beaucoup d'expérience en fait, parce que tu gagnes de l'expérience en tuant des gens, tu peux aussi, même si tu rends pas service aux gens et que tu joues vraiment en mode evil, en termes d'équilibrage, alors on parlera de l'équilibrage qui est pété sur plein de trucs. Au début du jeu, tu peux pas te le permettre. Non, tu peux pas tuer tout le monde. Non, effectivement, c'est toi qui va mourir. Mais c'est vrai que voilà, le jeu permet quand même pas mal d'approches. Et c'est aussi parce que c'est vraiment un jeu extrêmement ouvert. Ça aussi, quand on se relance dedans, on dit ah ouais, c'est un monde ouvert. Alors c'est un monde ouvert de l'époque, mais c'est vraiment cette philosophie-là de dire en fait, tu pars du. Une fois que tu quittes ton village, tu peux vraiment aller où tu veux. Alors, il faut que tu survives. Il t'indique quand même, va par là. Globalement, si tu veux avoir des renseignements, faut que tu ailles par là. Mais après, vraiment, ce qui va te mener aux différents endroits de la carte, c'est soit toi, ta propre exploration, c'est-à-dire tu dis, vas-y, je me barre et je fais ma route et voilà, je prends la route. Ou alors, tu as des gens qui vont te dire, ah là-bas, il y a tel truc, il y a telle ville et il se passe ça là-bas, donc ça va s'indiquer sur ta carte et tu vas pouvoir y aller. La première moitié du jeu, globalement, tu auras à peu près le même trajet. Ouais. En fait, où tu fais 2-3 villes qui sont à côté de toi et ça va se terminer par la cité de l'abri, comme vous disiez, qui est un peu le premier gros check on va dire du jeu. Mais effectivement, là déjà, tu auras pu faire des quêtes annexes, des trucs. Je vous parlais du peuple à sous terre qui entretient une ferme. Bon, ça c'est complètement optionnel, c'est si tu décides d'aider quelqu'un. Mais après cité de l'abri, tu commences à avoir une piste pour le fameux abri 13 qui est ta quête. Et là, tu trouves quelqu'un, un marchand nomade qui dit oui, j'ai trouvé ces objets où il y a écrit abri 13 dessus. Je sais plus où j'ai trouvé, mais moi, mon trajet, en gros, j'ai fait cette ville-là, cette ville-là, cette ville-là. Là, et c'est des villes qui sont très loin et t'as aussi des caravanes qui te permettent d'y aller, donc à partir de là le jeu s'ouvre beaucoup plus et surtout t'as commencé à franchir un premier palier qui est tu peux survivre à quelques affrontements dans le désert qui étaient très vénères jusque là. Oui, parce que du coup, quand tu te balades, il y a des rencontres un peu aléatoires, entre guillemets, où tu vas passer, pour aller du point A au point B, tu vas avoir un petit temps de chargement et tu vas avoir une petite arène qui se crée. En fait, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que vraiment, c'est une world map, c'est-à-dire qu'en fait, on se balade vraiment en petit clic, entre guillemets, dans les villages. Rikiki, je comprends même pas. Même pour l'interface du jeu, je trouve minuscule. Oui, non, mais on va revenir. C'est un délire. Mais en fait, une fois qu'on sort du village, il y a une world map qui apparaît où tout est noir, puisqu'il y a une espèce de brouillard de guerre qu'on va devoir découvrir au fur et à mesure. Et voilà, on voit un point vert qui se balade comme ça, qui se déplace sur un quadrillage, et bam, rencontre aléatoire, et là tu tombes tu peux tomber sur des marchands, soit trois bandits qui ont tous des petites mitraillettes, et toi tu fais je suis mort. T'es avec ta lance, tu sais, encore. Et tu fais je vais mourir, et tu meurs, et tu recommences le chargement, et tu recommences à repartir du comme village. C'est un peu aléatoire, des fois voilà, tu vois, fameux F5, F9 où tu vas sauvegarder et tu vas relancer ta sauvegarde, c'est un truc que tu peux faire beaucoup. J'avais refait Fallout 2 il y a pas mal de temps maintenant, il y a plus d'une dizaine d'années, mais ça m'avait fait le coup où j'avais survécu au prologue, qui est quand même assez difficile. Et juste pour arriver à la ville, j'avais galéré juste le temps d'arriver à la ville parce que j'arrêtais pas de me faire attaquer c'était impossible de survivre. Du coup, voilà, tu vois la fuite en zigzag et la fuite toute vers l'écran droite ou l'écran de gauche, ça je l'avais vite compris. Et d'ailleurs, en fait, c'est ça qui va quand même limiter l'exploration du monde, parce que vraiment on part du nord-ouest et l'idée c'est vraiment l'objectif qui est l'abri 13, du coup on va pouvoir essayer de trouver les trucs s'il est vraiment au sud-est, donc on doit traverser toute la map comme ça, et en fait plus on se rapproche de cette zone du sud, plus les rencontres aléatoires vont être vénères, et là tu peux littéralement tomber sur des mutants qui ont un lance-roquette. L'écran apparaît, tu as 2 secondes et ça y est, ton équipe est réduite en purée et tu fais c'était pas ce qu'il fallait faire. Il y a vraiment des checks dans la difficulté où en fait il faut déjà que tu puisses avoir des armes à feu, parce que t'en as pas au début, ou assez de membres de ton équipage qui vont survivre, parce qu'il te faudra aussi des armures assez puissantes. Oui. Et il y a un gros palier en fait qui est quand tu commences à avoir les super armures, en général c'est après l'abri, l'abri 13, quand tu vas avoir le délire avec l'enclave et tout. Et en fait, effectivement, quand tu tombes sur ce genre d'event avant d'avoir la grosse armure, c'est mort. Mais effectivement, t'as ces paliers un peu sur la zone du début, c'est plutôt des bandits au corps à corps, on va dire. Ou 2-3 scorpions, tu vois, qui sont en train de se balader, des bestioles. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est plus compliqué vers l'abri 13, mais c'est vraiment autour de l'avant-poste de l'enclave aussi, où là, t'as les mutants, t'as les fameux griffes morts. Ou parfois, t'as des quêtes aussi. T'as une ville minière et t'as une quête à faire un truc dans le sous-sol. C'est les aliens d'aliens. Mais celle-là, j'y suis retourné, mais je sais pas combien de fois, et à chaque fois, je me faisais éclater la tête, et faut vraiment, là, faut avoir un gros pompe de bâtard et la super armure, et sinon tu passes pas. Oui, quoi. Parce qu'au sein des armes, t'as aussi un palier, parce qu'au début, tu peux avoir des flingues ou quoi, et après, tu finis à avoir, je sais pas, des pompes en rafale, des mitrailleuses en rafale, et là, ouais, tu peux commencer canons à one-shot laser, des trucs, les mitrailleuses lourdes, et là, ça commence à faire vraiment des gros dégâts. Mais vraiment, le jeu est équilibré comme ça, c'est-à-dire, c'est à la fois les armures, avec les fameuses super armures qui sont un peu iconiques de Fallout, et puis bah, les grosses armes lourdes. Quoi. Mais ça reste quand même assez ouvert, c'est-à-dire que c'est assez intéressant leur, la philosophie, c'est-à-dire qu'ils limitent notre exploration par de la difficulté et des choses, mais si on arrivait à y survivre, potentiellement, rien n'empêche, tu vois, dans l'absolu, d'aller à l'abri 13 direct. Si tu fais ton chargement rapide, j'imagine, j'ai pas regardé speedrun de Fallout 2, mais j'imagine qu'il doit y avoir des techniques, je pense que tu vas quand même galérer parce que tu vas... En fait, je crois que les speedruns, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont à San Francisco directement pour choper des maxi armures, et ensuite, après, ils font ça, parce que sinon, l'abri 13, t'as des gens dedans et tu passes pas. En fait, t'as des objets clés qui vont être bloqués par des affrontements, et il faut être un minimum prêt. Mais t'as des builds, moi j'avais vu un mec, je sais pas, tu peux faire un build où tu prends, parce que t'as aussi des objets avec des buffs, tu vois, genre tu vas prendre du jet, ou t'as des drogues de militaires, et il y en a un qui faisait un build que corps à corps, et vraiment, il one shot au corps à corps des gens, parce qu'il a tout mis dans la force, tout mis dans les trucs. Quand tu finis par connaître un peu, tu peux mieux exploiter. Mais moi, ma partie, enfin, j'ai dû charger mais une centaine de fois. Ah oui, non, mais parce moi, que je suis mort, moi, mais moi, à chaque fois, même que j'arrivais à un truc aléatoire où tu sais, il y avait rien, où j'étais safe, je refaisais une sauvegarde pour me dire allez, on continue, parce que c'est extrêmement long. Bah, on peut peut-être en parler justement là de l'équilibrage du jeu. Le prologue en fait est assez difficile et peut être même très décourageant, puisque le jeu en fait. Le 2, c'est vraiment. Parce qu'autant le 1, c'est pas du tout ça. Tu commences, t'as un flingue et t'as un couteau. Mais le 2, là, les épreuves du machin, là, du temple, c'est un délire. Hein. Ouais, déjà, c'est méga long. Et si tu n'as pas investi, bah, tu peux raconter ta petite anecdote. Oui, c'est parce que donc au début, on investit, comme on dit, dans des compétences. Donc on a le fameux spécial, le force, intelligence, machin. Et après, il y a plus de détails sur nos stats de précision d'armes, notamment. Et ça se découpe en différentes catégories. T'as armes légères, armes lourdes, armes explosives, je crois, corps à corps et armes blanches. Voilà, en gros, t'as ça. Et bah, au début, donc le fameux prologue, tu vas être soit te battre en corps à corps, soit en lance, parce que tu vas te battre contre des fourmis géantes. Si tu n'as pas investi dans corps à corps et trucs, bah, c'est du lancer de dés, en fait, bête et méchant, c'est que tu vas avoir, je sais pas, 38% voilà, de toucher en tout cas, vraiment, moins de 50% clairement, et parfois bah, tu auras 3 fois de suite, et c'est giga long. Et moi, au début, moi, j'ai déjà vu Fallout, je sais que t'as des armes machin, je me dis, je vais pas investir dans le corps à corps et les armes blanches, je vais prévoir un peu le terrain, investir en armes légères machin. Pas du tout. Et donc, je me tape le prologue, et en fait, en plein milieu, mon PC a planté, donc j'avais pas sauvegardé ou quoi, parce que c'était vraiment le début, et donc j'ai pu recommencer le prologue. Je fais, ok, là, je vais en armes blanches, on va up un peu. Je me suis mis genre à 50%, je fais ça va, une chance sur deux, ça se fait. Mais il est assez, enfin, ça, j'ai découvert après avoir fait le jeu, parce que bah, moi, Max aussi, hein, on l'a découvert vraiment pour fin du game, que ce prologue, il est assez communément admis comme étant vraiment particulièrement difficile. C'est nul, il faut aussi le dire. C'est un coup à te décourager, parce qu'après, une fois que t'en sors et que tu arrives à survivre en fait aux premières rencontres, ben, tu vas arriver dans une ville, tu vas faire des petites quêtes, tu vas avoir beaucoup de blabla en fait. Où tu vas pas forcément avoir besoin de combattre, et donc tu vas te constituer ton petit pécule, et tu vas pouvoir t'acheter une première pétoire, des munitions, tu vas voler les gens, tu vas récupérer des trucs à droite à gauche, donc tu vas rapidement en fait te constituer ton nécessaire de survie, quoi. Et c'est vrai que voilà, le début en fait de Fallout 2, c'est vraiment c'est la hesse, hein. T'étais vraiment en déj de tout, et faut ouvrir tous les coffres, les machins, fouiller tous les casiers, parce que t'es vraiment à la recherche de la moindre piécette. J'avais vraiment l'impression d'être le clodo qui débarque de son village pourri, et c'est vraiment ça, c'est ça que donne comme sensation le jeu. Et bon, en termes d'intentionnalité, c'est pas inintéressant, mais néanmoins, je trouve que c'est vraiment abrupt. Et encore une fois, pour avoir fait le 1 après, c'est beaucoup plus, en fait, le 1 est beaucoup plus smooth, ça se passe beaucoup mieux. C'est là que tu vois la différence de temps, tu vois, de production entre les deux jeux, parce qu'ils ont pu tester ça. Puis je pense qu'ils avaient envie de faire quelque chose de différent, en fait. Je pense qu'ils se sont dit, venez, on fait pas ça, et on tape un peu plus fort en mode, ouais, vous allez vraiment être en mode survie au début. Je pense qu'ils avaient envie de le faire. Mais et en même temps, à un moment donné, on en parlait en préparation, au bout d'un moment, le shift se fait, et c'est l'inverse. T'es surpuissant, t'es riche à plus savoir quoi en foutre et bon bah au bout d'un moment tu roules sur le jeu quoi. En fait dans les grandes lignes ça marche parce que tu peux dire il y a ce côté effectivement au début t'étais vraiment au bas du bas du bas ouais. Et puis tu fais des missions, tu fais des trucs, ça monte, tu deviens mafieux, je sais pas quoi, t'as un équipement, tu finis par battre n'importe quel affrontement qui te défonçait au début et t'es vraiment riche. Donc dans les grandes lignes il y a ce délire du RPG, tu deviens très fort, mais c'est une progression vraiment en palier, tu es en dents de scie, parce que comme on l'a dit au début, enfin t'es vraiment nu à chier, l'économie c'est compliqué, tu vas essayer de revendre le moins de petits trucs que tu trouves. Et il y a vraiment le palier vraiment que tu franchis pour l'économie, c'est quand tu finis par pouvoir tuer des gens qui ont des armes à feu. Et là les armes à feu se revendent très cher. Ouais. Et à partir de ce moment, c'est bon. En fait, quand tu tues des gens qui ont des armes à feu, donc je dirais vers à peine la moitié du jeu à peu près, et ben c'est bon, l'argent ne sera plus un problème. Ouais, en fait, vraiment, à partir du moment où tu peux vendre ça, c'est bon, c'est gagné. Et tu vas avoir un autre problème qui est de gérer ton stock en fait, parce que c'est vraiment, voilà, l'inventaire est super compliqué et l'économie se repose sur du troc. C'est-à-dire que les marchands, tu dois vraiment leur échanger des choses. Donc non seulement tu dois trouver des valeurs équivalentes, tu dois équilibrer le troc pour que ça soit un échange équivalent. Et là, mais juste dans les détails, souviens-toi, si toi t'as une arme qui vaut 500 et que le marchand en face il a 2000 de pièces, et ben comment tu fais pour mettre 500? Il faut mettre le gros sachet de 2000 et il dit combien tu veux sur les 2000. Tu peux pas rentrer 500 si tu veux. Ah bon? Ouais, tu peux. Et j'ai pas trouvé comment. Et ton clavier numérique. Ah bah, moi j'ai vraiment. Et pourtant, il me semble avoir essayé, donc moi je reste appuyé sur plus jusqu'à ce que ça passe 500. Moi j'ai fait ça pendant un moment, après j'ai fait attends, peut-être le clavier numérique et ça marchait. Donc, je suis sûr d'avoir testé pourtant. Non, parce que là. C'est insupportable. Mais si, tu peux utiliser le clavier numérique. Excusez-moi, c'est long et c'est vraiment pas facile à équilibrer. Et voilà, tu dois gérer en fait entre les items. Et s'il a pas de pièces, le mec, c'est une galère en fait. Tu dois trouver toi le bon. Enfin. Après, tu peux vendre pour un peu plus. Oui, c'est ça. À un moment, tu peux perdre de l'argent. Oui, voilà. Ah bah, la flemme, il y a un moment, tu dis je suis pas à 30 pièces près. Après, t'es riche et tu fais vas-y, c'est bon. Au début, tu t'en fiches. Et après, voilà, faut gérer ton équipement parce que t'as aussi un équipement limité, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a tout ce truc-là. Et l'économie, à la fin, voilà, t'es vraiment le mec le plus riche de tout le fucking Wasteland, c'est toi. Donc, ouais, c'est un jeu qui a ses promesses, qui globalement il les remplit sur le côté liberté, monde ouvert, tu vas pouvoir faire plein de trucs, mais comme on l'a dit, tu te tapes quand même les dents vraiment sur des bords qui n'avaient pas à être aussi vénères. Et même pour l'époque en fait, c'est-à-dire que même à l'époque, tu vois, en termes d'ergonomie, de menuing et tout, il y a un côté un peu à part, parce que l'interface est différente, il y a ce fameux petit Vault Boy là qui a plein de dessins différents, etc. Donc il y a toute une ambiance dans le style visuel. Esthétiquement, il y a vraiment un truc, il y a vraiment quelque chose qui pour l'époque, moi, m'avait surpris quand je voyais les grands frères y jouer à Fallout, parce que j'étais trop petit, j'avais pas le droit. J'étais très impressionné par ce qu'ils voyaient. Mais bon, ça restait en termes d'ergonomie, ça restait lourdeau, et ça faisait partie des reproches justement qu'on pouvait faire aux RPG de l'époque qui essayaient pas de s'ouvrir, on va dire, un petit peu au public. Mais voilà, tout entre finalement cette histoire, cet univers qui est quand même très particulier, on l'a dit, le post-apo, il n'y en avait pas beaucoup, ce système assez original d'attributs, surtout qu'il y a un truc spécifique dans Fallout, c'est qu'on choisit pas de classe, on va devoir attribuer comme ça à notre personnage différents points, mais après, au fur et à mesure du jeu, on peut vraiment s'orienter vers des carrières entre guillemets tout à fait différentes. Si au début t'étais complètement teubé, c'est compliqué quand même de devenir méga intelligent, à moins de maxer tout et de farmer énormément, mais par contre tu vas pouvoir vraiment augmenter ta façon de parler, etc. Ou inverse, aller plutôt vers des armes. Il y a la fameuse anecdote du si tu mets 1 en intelligence, ton perso ne sait pas parler. Ouais, voilà. Donc tu vas avoir une aventure particulière. A priori, peut-être que théoriquement c'est possible de finir le jeu, mais si tu connais pas le jeu, que tu commences avec ça, je pense que t'es reparti. Oui, t'es c'est parti ça. Pour en fait, rôle. C'est un jeu qui va justement, tu vois, nous on l'a fait une fois, donc on est parti sur un build à peu près équilibré, un personnage à peu près normal. Mais je pense que c'est un jeu, voilà, ça t'encourage justement à te relancer dedans et pouvoir essayer de faire un build de teubé méga fort. Bon, voilà, tu peux essayer de partir là-dessus. Sachant que dès le début, il propose aussi une liste de choses qui t'apportent à la fois un bonus et un malus et qui vont potentiellement diriger un petit peu tout ton gameplay. Donc c'est un jeu, à l'époque c'est important, mais de ce côté, une énorme rejouabilité. Et ouais, c'est ça qui fait en fait l'ouverture, le choix dans les quêtes. C'est un jeu, en fait, on le voit, on se dit que ça y est, ça sort à la fin des années 90. On l'a dit, le CRPG, c'est vraiment depuis les années 80 que ça bouillonne comme ça, et finalement c'est un des derniers gros représentants et qui incarne un peu l'aboutissement d'une démarche et qui veut vraiment aller dans cette liberté là et en fait même aujourd'hui quand on le regarde, tout ce qu'on peut faire dans Fallout 2, c'est assez impressionnant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les promesses d'un Fallout 2 de l'époque sont celles qu'on nous a resservies il y a quelques années, quand le RPG est revenu un petit peu sur le devant de la scène et qu'on recherchait à proposer ce genre d'expérience-là. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le jeu de rôle, en tant que style de jeu, et de tout temps, en fait, dans le jeu vidéo, il y a eu cette espèce d'idéal du jeu absolu, du jeu parfait qui proposerait tout. Tu vois, enfin, je veux dire, des jeux comme Star Citizen, c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup dans le monde du jeu vidéo. On en a déjà eu plein d'autres, des douilles dans le même style. Et du coup, l'idée d'avoir le jeu de rôle, en fait, incarnait assez facilement ce truc-là. Tu vois, par le jeu de rôle, on pouvait se dire, ben, vu qu'on peut créer son personnage, choisir un peu sa voix, etc. Enfin, le jeu de rôle, c'est ça la promesse. Mais c'est de dire, tu vas vivre une autre vie. Donc, on va te donner un maximum de possibilités pour que tout ça puisse être crédible. Mais en fait, dans le jeu vidéo, pendant très longtemps, c'était assez limité. Parce que du coup, ben, ils se sont beaucoup appuyés sur Donjons et Dragons. Il y a eu toute la série des Might and Magic, des choses comme ça. Il y avait des séries un petit peu typiques jeux vidéo, genre Ultima, qui ont marqué un petit peu leur époque dans les années 80. Mais c'est vrai que quand Fallout sort, il arrive avec cette espèce de proposition qui n'est pas uniquement pensée pour un système de jeu, et surtout il utilise un système de jeu qui est relativement libre, et il met la part belle à la narration, à la liberté, un peu au bordel, tu vois, ambiant, qu'on peut retrouver en fait dans une partie de jeu de rôle traditionnel où on décide de faire n'importe quoi. Soit se battre, soit vraiment parler, enfin t'as vraiment... Dès le début, hein, l'espèce de temple, là, à la fin, t'as un mec qui te dit, voilà, tu vas te voir soit me battre, mais en fait, si t'es bon en négociation, tu peux lui dire, bah non, vas-y, on se bat pas, et laisse-moi passer. Il fait, ok, ça marche. Donc ça, c'est la grosse négociation, évidemment, c'est de la négociation de jeu de rôle, hein, c'est un lancer de dés. Mais en vrai, voilà, dès le début, il montre qu'il veut te donner toute cette possibilité-là, et il y a beaucoup de solutions qui peuvent être, enfin, il y a beaucoup, pardon, de quêtes qui peuvent être solutionnées, comme ça, avec de la parlotte, si t'es bon en charisme, et que tu sais bien parler. Ou alors trouver certains objets avec du crochetage de serrure. Ce genre de truc, t'as de l'infiltration aussi pour éviter certains combats. Bon, tu vas te battre hein, dans Fallout 2, mais c'est ça, c'est non, ce fantasme du jeu de rôle. T'as des connaissances, enfin voilà, comme tu dis, il y a cette espèce de fantasme de on va pouvoir tout faire. Alors, dans les faits, c'est pas exactement le cas, évidemment, il y a des limitations techniques, mais il y a un truc qui est intéressant à rappeler et qu'on peut mettre en fait en opposition avec les problématiques qu'on connaît aujourd'hui dans les jeux vidéo, c'est qu'à l'époque, tout ce qu'on vient de raconter là, c'est pas visuel, c'est du texte. C'est du texte. Et donc, le texte, en fait, c'est un outil narratif qui est extrêmement puissant, puisque ça permet de faire travailler l'imaginaire des gens. Et oui, t'es pas une star du porno, tu as lu que tu étais une star du porno. Alors qu'aujourd'hui, si tu devais faire ça, ben, regardez Cyberpunk 2077, faudrait faire une scène, ils ont fait faudrait des modéliser, scènes, il faut les modéliser, l'animer, etc. Non, mais c'est ça qui m'a vraiment, en fait, le plus important dans Fallout, oui, c'est ce que tu vois, mais aussi ce petit carré en bas à gauche qui est ton Pip-Boy, hein, en gros, et qui, où tout, il y a les petits écriteaux qui apparaissent. Et en fait, il y a plein de choses qui sont écrites. En fait, quand t'arrives dans un village, il y a un truc important qui peut être écrit ici. Vous arrivez, vous voyez ci, vous voyez ça, etc. Donc il y a vraiment ce truc de jeu de rôle papier, presque même d'aventure dont vous êtes le héros, ce truc-là très textuel, et qui est vraiment hyper important. Et c'est pour ça, quand on disait oui, t'es mafieux, t'es serre du porno, c'est juste le jeu qui te le dit et tu dis ah bah oui, je suis ça. Et c'est ça la force justement du jeu de rôle, c'est qu'en fait, t'as pas besoin d'avoir une incarnation visuelle concrète de ce truc-là. Toi, dans ta tête, tu l'es. Parce que tu acceptes les règles du jeu, tu acceptes tout ça, et donc tu te prends au jeu, tu joues ton rôle, et tu décides d'être comme ça. Et en plus, il y a vraiment ce côté où c'est toi qui décides de mettre ce que tu veux dans ton personnage, parce que, comme tu le dis, si t'as décidé d'être un esclavagiste ou un type super valeureux qui veut défendre la veuve et l'orphelin ou quoi que ce soit, tu peux, le jeu te le permet, en fait. Il t'autorise des outils, et il va pas forcément te juger pour ce que tu fais. Et c'est ça, en fait, qui fait de Fallout 2 un jeu qui... certes, tu vois, d'un point de vue ergonomie, on l'a dit, est assez difficile à jouer, mais qui, pour l'époque, était plutôt avant-gardiste, en fait. Et aujourd'hui, des jeux qui sont aussi libres et aussi vastes que Fallout 2, bah, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Non, il n'y en a pas tant que... Parce que, justement, en fait, aujourd'hui, on utilise beaucoup moins le texte. On s'imagine mal voir une espèce de fondu au noir comme ça, genre, maintenant, vous allez faire ça. Il y a un fondu au noir, et ça y est, vous avez fait ça. Non, on va devoir te le montrer, en fait. On va te récompenser avec ce que tu as fait. Et forcément, ça demande des coups qui sont bien supérieur, beaucoup plus de technique que de juste écrire trois mots. Et ce qui est fascinant quand on se remet du coup dans l'époque de Fallout 2 et de voir quel était l'état du RPG en jeu vidéo à l'époque, comme on l'a dit, on était plus dans le délire de on veut de la 3D. Et donc, avec la 3D, il y a eu cette espèce de piège dans lequel on est toujours il faut que ça soit toujours plus beau et du coup, il faut que ça coûte toujours plus d'argent. Et eux, ils ont réussi à se détacher de ça en restant dans le délire textuel. Et d'autres jeux connus de l'époque et qui sont toujours, tu vois, dans l'esprit des gens, des jeux cultes, ils étaient dans ce délire-là. Planescape Torment, qui est aussi basé sur l'univers de Donjons et Dragons, c'est un jeu où tout est raconté dans le texte. Baldur's Gate, Gate, c'est un jeu qui éclatait sur plein de CD parce qu'il y avait des voix, et déjà c'était compliqué, ça rajoutait des contraintes techniques, mais ça reste un jeu qui était quand même vachement tourné autour du texte. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que après Fallout 2, il s'est passé plein de choses assez folles dans le jeu vidéo et dans la techno de manière générale. Du coup, il y a eu Diablo, donc on est passé à des RPG plutôt en temps réel. Il y a eu ce petit truc là qu'on a appelé Internet qui est apparu, qui a un peu changé les choses. Et c'est vrai qu'on a eu, ben, d'un coup, on avait Diablo 2 avec tout ce délire d'économie parallèle, de jeux en ligne, etc. Il y avait les premiers MMORPG, pardon, avec Ultima Online, EverQuest, et évidemment en 2004, il y a World of Warcraft. Et donc en fait, au début des années 2000, plus personne veut faire du RPG entre guillemets, tout le monde veut faire du MMORPG, c'est devenu le gros délire. Et surtout de l'action RPG, et surtout de l'action, ouais. Façon Diablo, quoi, en temps réel, ce côté tour par tour très textuel, vraiment, ils sont en bout de Fallout 2 est vraiment en bout du bout, on veut plus vraiment ça, quoi. Surtout qu'il y a l'avènement des consoles aussi, bah oui, parce que le RPG, voilà, c'est l'âge d'or, ça va être, enfin, l'âge de cette époque-là, c'est effectivement 80 jusqu'à 2000, grosso modo, mais il y a cette ruée vers la console, et la console, tu peux pas faire un Fallout 2 sur Nintendo 64 ou PlayStation, tu vois, c'est en termes d'interface, c'est plus compliqué. Je pense qu'en termes d'ergonomie, tu passes un autre cap, vois, si c'était de jouer au stick à déjà, il y a des gens qui ont joué à Diablo sur PlayStation ou à, même à Command & Conquer ou StarCraft, il y avait des versions console. J'y ai joué. Ça a pas duré longtemps. Mais on peut faire juste une mini parenthèse, mais c'est aussi pour ça que t'as le JRPG qui aussi prend beaucoup plus d'importance, parce que dans les années 80, les Japonais, ils font des RPG sur ordinateur, mais comme la NES là-bas, elle va cartonner de fou, bah les Dragon Quest, les Final Fantasy, c'est sur NES que ça commence, et bah quand t'as deux boutons, une croix directionnelle, tu ne fais pas Baldur's Gate, tu fais des trucs plus adaptés. Les périphériques et de jeu déterminent forcément, dictent ton design, et forcément si ton interface c'est un clavier, une souris versus comme tu le dis, une croix directionnelle de boutons, tu peux pas faire le même jeu, donc forcément les JRPG et tous les jeux qui vont sortir sur console vont s'orienter vers quelque chose de différent, et c'est ces jeux là entre guillemets qui vont quand même faire rentrer le jeu vidéo dans, tu vois, de sa strate populaire mainstream, etc. Bah oui, parce que bah, on l'a déjà dit, enfin tu vois, il y a Fallout 2 et tu regardes à quelques mois de différence, il y a Final Fantasy 7 quoi, qui est le fucking Final Fantasy qui a mis tout le monde d'accord, qui a été pendant très longtemps, comme je disais, le jeu avec le budget le plus élevé, mais c'est surtout, je crois encore aujourd'hui, l'épisode de Final Fantasy qui s'est le plus vendu, oui, si on compte pas FF14. Oui. Donc tu vois, c'était vraiment la naissance d'un énorme culte de Final Fantasy, et du coup, bah, de tout un tas de jeux qui vont aller dans ce délire grand spectacle, parce que Final Fantasy, à l'époque, eux, avec Blizzard, avec quelques autres studios, tu vois, ils ouvrent grand les portes des cinématiques de plus en plus impressionnantes, la modélisation des persos, tu vois, quand on passe des persos de FF7 à Squall de FF8, etc., on se dit, waouh, c'est incroyable, le saut en avant, ensuite il y a la Play 2, Tidus, c'est tout le bordel. Et donc on est vraiment dans cette course à l'échalote par la suite de... À l'échalote, ouais, ça s'appelle comme ça. Ah ouais, ouais. C'est une expression. Voilà. J'aime beaucoup les échalotes, donc allons-y. Si tu veux, une fuite en avant, toujours chercher les graphismes. et on est encore en fait piégé entre guillemets dedans, et l'aboutissement de ça, c'est cette transition qu'il y a vers les années 2000. Tu vois, on a parlé de Mass Effect tout à l'heure. Mass Effect, en fait, c'est le retour de ce RPG-là, même si en fait, quand tu regardes Mass Effect, bah c'était aussi du TPS, tu vois, c'est-à-dire qu'il fallait quand même conserver ce côté action et tout. Il est devenu presque RPG cinématographique. Ouais, c'est tu vois, ça. C'est ça qu'on disait. Hein. On est bloqué en fait dans de l'action, et surtout dans des considérations de mise en scène et de rendu graphique où on veut tout représenter. On peut plus laisser en fait les gens imaginer des choses par eux-mêmes. Il faut qu'on leur montre. Et donc, à partir du moment où tu dois commencer à montrer des lèvres qui bougent et qui doivent s'adapter à différentes langues avec des corps qui font pas la même taille, etc. Les coûts de production des jeux explosent et devenir une star du porno, c'est plus compliqué, voilà, ça va prendre du temps. Et tu rigoles là-dessus, mais par exemple, dans Cyberpunk 2077, ils ont tourné, je crois, près d'une heure de scènes de cul. Parce que du coup, ils avaient donc des acteurs et des actrices qui étaient avec leur combinaison, tu vois, de motion capture, et donc ils mimaient. Ouais, Witcher 3, déjà. Witcher 3, il y avait des trucs, mais dans Cyberpunk, il y en a beaucoup plus. Ouais. Et tu te dis, le pognon qu'on perd à ça, tu vois, alors que, effectivement, si tu le racontes, ça, tu vois, dans mon esprit, moi, de joueur un peu qui est capable comme ça de faire d'abstraction du visuel, ça me choque pas si on me raconte juste ce qui se passe, tu vois. Mais bref, tout ça pour vous dire que le RPG a suivi une trajectoire qui est très proche de celui du jeu vidéo. Hein, la fuite en avant vers les graphismes, vers le internet, etc. Et en fait, ça s'est un peu calmé, tu vois. Il y a Fallout 3 quand même qui est sorti, qui était l'épisode de Fallout en 3D, qui a vraiment... Mais qui d'un point de vue... cartonné d'un point de vue commercial, c'était énormément vendre parce que justement il sort en 2008 je crois, mais le côté HD ouais, on est juste après, c'est 10 ans, ouais, c'est 10 ça, ans le, voilà, post-apo encore ça marche toujours hein, en 2008 c'est pas encore je pense il n'y a pas tant de licences que ça qui le font, et le côté HD tu vas vivre ça à troisième personne machin, côté critique il c'est un peu tiède, Fallout 3 il y a eu une grosse scission en fait, il y a un peu les, la vieille école qui fait les Fallout 1 et 2 justement pour toute cette grande liberté d'action, et Fallout 3 c'est un peu une autre école plus justement moi, moderne. Moi je suis quasiment console. Convaincu que le retour critique c'est parce que tu vois quand Fallout 3 sort, les journalistes c'est des gens qui ont connu les Fallout 1 et 2 tu vois, c'est les gens, mais par contre les gens qui jouent vraiment à ces jeux là, qui jouent sur ils 300 découvrent, ça, ils découvrent bien sûr. Ah, non mais beaucoup plus de gens ont découvert Fallout avec le 3, c'est sûr, littéralement c'est comme Elden Ring tu vois, c'est les premiers gens, c'est beaucoup plus leur premier Souls ou même Zelda avec Breath of the Wild, exactement, tout à fait, faut pas l'oublier ça. Et donc il y a tout un tas de gens en fait qui découvrent ces jeux là tu vois, que ça soit Oblivion en 2006 ou Fallout 3 tu vois, c'est des jeux qui vont vraiment façonner toute une nouvelle génération de joueurs et de joueuses de jeux de rôle. Et effectivement pour les gens qui ont joué Fallout 3, enfin moi à l'époque je savais bien qu'on avait perdu beaucoup, tu vois, on avait perdu énormément par rapport aux anciens en termes de liberté. En plus, bon, le 3, il est criblé d'autres problèmes, on va pas revenir là-dessus. La série a quand même regagné un petit peu ses lettres de noblesse, on va dire, auprès des hardcore fans, avec l'épisode New Vegas, qui est justement développé par Obsidian. Ouais. Qui sont donc, en fait, les anciens, c'est-à-dire que le 3, en fait, est développé par Bethesda, parce qu'entre-temps, ils avaient obtenu les droits, donc c'était pas la même équipe. Interplay a fait faillite, a été racheté. Voilà, Alors que, finalement, l'épisode New Vegas, c'est les gens qui ont fait un peu le deux entre guillemets c'est ça. Et donc ok Fallout tu vois continue d'évoluer, et du côté du RPG en fait il y a plus beaucoup de représentants du jeu de rôle tel qu'on l'entendait de cette à l'époque. Façon là tour par tour traditionnel, tu vois, Skyrim évidemment en 2011, et oui, voilà, The Witcher, il y a des espèces de petites tu vois ovnis comme ça qui explosent et qui fonctionnent, mais les RPG c'est pas du tour par tour tu vois, c'est justement plus sur le tour par tour, eux ils sont allés dans cette direction monde ouvert représenté physiquement action RPG etc, alors même si bon l'action dans Skyrim je n'ai pas envie d'en parler, mais voilà, c'est fini le tour par tour. Ça a peut-être dû y rester d'ailleurs, mais voilà, c'est une autre branche, quoi. Voilà, c'est une autre branche, mais qui est beaucoup plus populaire aussi. Ça va toucher parce que, enfin, tu vois, c'est pas anodin que les gens ils se disent oui, on veut de l'action, on veut du temps réel. Tu sais, quand Diablo ça arrive et que tout le monde dit ah, c'est trop bien le temps réel, c'est qu'en fait ça marche, tu vois, c'est beaucoup plus divertissant. Et à côté, t'as Counter-Strike, tu vois, je veux dire, pendant des années, on va bouffer du FPS, on va bouffer du jeu en ligne, on va bouffer du MMO, on va bouffer pas mal de choses, quoi. Et encore, je dis, c'est une autre branche, c'est pas forcément une vieille branche, tu vois, Skyrim. C'était une des exceptions hein, mais les jeux Bethesda comme on l'a dit, que ce soit un Morrowind ou un Oblivion ou quoi, ils continuent à faire quand même globalement la même formule qui marche toujours auprès des joueurs du grand public hein. Et d'ailleurs Fallout 3, un des reproches qui était fait c'est que c'était simplement un reskin entre guillemets de Oblivion version post-apo quoi. Mais tout ça pour dire que du coup, vu que le RPG en fait tel qu'on l'imaginait à l'époque de Fallout 2 est un peu tombé en désuétude, on s'imaginait que c'était fini, tu vois, que c'était condamné à rester de l'action, etc. Jusqu'à ce que, en fait, au début des années 2010, il s'est passé un truc assez intéressant. On voulait en parler là dans l'épisode, c'est la montée en puissance de Kickstarter, qui a permis en fait de remettre en avant tout un tas de vieilles gloires hein, et notamment un certain Brian Fargo qui est arrivé avec Wasteland 2. On est en 2012, c'est l'année où il y a Double Fine Adventures, donc un des premiers gros projets de Double Fine. Ça c'est le nom du docu, mais c'est Broken Age Double Fine Adventures, c'est le studio, et donc le Double Fine c'est Double Fine Project, tu sais ils avaient plusieurs jeux en fait qui finançaient comme autant ça sur Kickstarter. Ok je crois que c'était que Broken Age, mais il y avait Broken Age et il y en avait plusieurs à l'intérieur. J'ai oublié les noms, mais il me semble que tu avais plusieurs jeux. Bon, peut-être que je me trompe. Mais en gros, Brian Fargo qui veut faire un Wasteland 2, qui a pu récupérer les droits maintenant, parce que EA, à l'époque, autant ils disaient, bon, on peut peut-être encore faire un truc. C'est intéressant parce que justement, tu vois, les grosses sphères, ça, maintenant, à cette époque-là, en 2010, on s'en bat les reins. Alors en 98, c'était non, vous prenez pas notre jeu. Tu vois. Mais parce que voilà, comme on l'a dit, il y a toute cette branche, en fait, les décideurs, les éditeurs qui ont vraiment la thune, ils s'engouffrent sur le côté, plus de réalité, plus de monde ouvert, plus de technologie que de graphisme, etc. Et donc Kickstarter, là, on a des créateurs qui ont une aura, qui ont des licences aussi, parce que c'est Tim Schafer, donc qui avait bossé sur Monkey Island, Grim Fandango, donc Team Point and Click. Ça aussi, un genre qui est complètement tombé en désuétude. Et voilà, et Brian Fargo qui revient, qui se dit, vous aimez bien Fallout, bon, j'ai pas les droits, mais j'ai les droits de Wasteland, donc je vais faire un petit Fallout moderne, ça vous dit. Et eux, qui ont assez de gens qui les suivent pour pouvoir financer ça. Et t'as aussi Pillars of Eternity, pareil, on est aussi en 2012, donc là, pareil, le retour en dans le, donc c'est Inxile ou Obsidian, non, Inxile, c'est Wasteland. Oui, c'est Wasteland, voilà, mmh. Et Obsidian, du yes. coup, avec Pillars of Eternity. Et début 2013, là, c'est l'histoire que j'ai noté pour le retour là, du studio belge, donc l'Ariane Studio, qui, eux, ils avaient continué à faire des jeux de rôle un petit peu comme ça, mais ils n'avaient jamais vraiment réussi à trouver leur public. Et surtout, ils n'avaient pas à trouver du financement, parce qu'ils avaient essayé de faire des jeux, justement, en tour par tour. Tout le monde leur avait fermé la porte en mode, c'est pas la peine, c'est mort. Mmh. Et ils se sont lancés sur Kickstarter, et ça a marché. Ils ont fait Divinity Original Sin, Divinity Original Sin 2, et aujourd'hui, le Karma, c'est eux qui font Baldur's Gate 3. Donc, voilà. Moi, je trouve que le retour en grâce du RPG à l'ancienne avec Kickstarter, c'est assez intéressant de voir ça, parce que ça a permis de re-rendre légitime une façon d'envisager le jeu vidéo qui n'était pas forcément condamné à être toujours plus joli, toujours plus de graphisme, toujours plus d'action. Ce qui s'est passé aussi, c'est que le jeu vidéo, il a énormément grossi, le public, il est énorme. En fait, pour faire des jeux auxquels les gens qui font les gros éditeurs n'ont pas forcément confiance, en fait, dans une sphère un peu plus indé, on peut faire des choses parce qu'il y a une niche qui va être prête à vraiment suivre le projet et elle sera assez nombreuse et suffisamment engagée pour que ça puisse même exister. Même au niveau macro, en fait, dans les années 2000 jusqu'à fin 2009-2010, tu vois que Steam commence à exploser et tout, il n'y a pas les outils pour financer justement des jeux qui ne sont pas dans le circuit classique. Ouais. Et du jour où on peut commencer à financer des jeux moins chers qui ne seront pas forcément en sortie physique parce que ça coûtait un bras de presser des disques, etc., ben, c'est vrai que tu t'autorises d'un coup plein de choses. Donc voilà, moi j'aime bien. Enfin, je sais que dans mon cours, je suis désolé, hein, je sais que j'ai fait un long tunnel, mais dans mon cours là, sur l'histoire du jeu vidéo, j'essaye d'associer toujours le RPG en tant que fil rouge parce que je trouve qu'il a. Si tu fais des parallèles avec l'histoire globale du jeu vidéo et celle du JDR, en fait, entre les deux, t'arrives toujours à rattraper les wagons un petit peu. Voilà. Ouais, et puis c'est surtout que tu vois, on le dit assez souvent dans l'émission, mais vraiment. En 2010-2012, il se passe plein de choses, en fait, tu vois, le dématérialisé, l'explosion de la sphère indé et tout. C'est des choses vraiment qui vont... ça va bousculer un peu l'ordre établi et ça va permettre à tellement de propositions et de trucs différents d'exister, en fait, qui pouvaient pas exister parce qu'il y avait qu'une seule sphère qui produisait les jeux et maintenant, on peut les produire dans selon différentes configurations. Ça, il y a des choses quand même vraiment qu'on changé. Et ce jeu de rôle-là, qui descend vraiment littéralement de Fallout 2, qui se rapproche de Fallout 2, existe grâce à ça. Et puis, on peut aussi citer un autre jeu dont on a parlé dans l'épisode dans fin du game, c'est Disco Elysium, qui les créateurs avaient dit clairement Fallout 2, Planescape Torment, c'est les grosses références. Eux, ils feront le choix justement de pas partir du tout vers l'action. Il y a pas du tout de combat dans Disco Elysium. Et là, c'est vraiment que du blabla, que de la parlotte. C'est vraiment tout le côté narratif et textuel qui va reprendre le dessus. Et voilà, il y a tellement de choses qui nous sont racontées par le texte dans Disco Elysium, alors qu'en fait, en général, les deux persos ne bougent pas. Tu vois, c'est cette partie de l'écran qui est importante, quoi. Et ça marche. Et ça a fonctionné. C'est ça qui est intéressant. C'est justement de se dire, ils ont fait tout ça, mais tu vois, on aurait pu imaginer que ça se plante, que sur Kickstarter, ils fassent appel à la nostalgie, etc., et que les gens, en fait, ne suivent pas le délire ou n'aient pas envie d'y jouer. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a marché et ça a cartonné. Et c'est assez drôle de se dire que, finalement, tu vois, des studios comme Obsidian, qui étaient tombés un petit peu, en dehors de la lumière, aujourd'hui, Microsoft les ont rachetés et ils vont pouvoir refaire des gros jeux, ils vont leur donner du blé pour faire du AAA, du RPG à la première personne, un petit peu à la Skyrim, etc. Ils ont fait Outer Worlds, Obsidian, qui est un Fallout, qui est Fallout école 3 New Vegas, l'école Fallout 2, etc. Ouais. Mais faut pas qu'ils, moi j'aimerais bien qu'ils tombent pas dans le piège justement de se dire c'est bon, maintenant on va faire 10 millions de ventes et on repart dans machin. Il y a ce côté, je pense, faut pas oublier d'où tu viens quand même. Il y avait une erreur des éditeurs peut-être de ne pas vouloir financer ce genre de jeu qui en fait avait un public, mais ce public c'est pas 10 millions de ventes a priori. Peut-être que Baldur's Gate 3, il y a un truc qui va se créer, il va vraiment cartonner ou quoi, mais je pense que tu sais, des Pillars of Eternity, des Tyranny, faut quand même je pense que tu vois, à ce moment-là, dans les années 2000, quand ils savent, les éditeurs, que ça marche plus, Fallout, on l'a dit, les chiffres de vente mais Baldur's Gate c'est 2 millions, donc ouais, là par contre c'est plus intéressant. Mais tu vois, après, à côté de ça, tu as des trucs qui font 10 millions bien de ventes sûr. En fait, donc vraiment le jeu vidéo commence à aller chercher des chiffres qui sont beaucoup plus gros, et de toute façon c'est des histoires de tendance. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que justement les tendances, il y a des choses très différentes qui peuvent coexister en fait et qui peuvent vivre parce que le public est assez large et fragmenté. Il y a des gens qui aiment beaucoup, il y a suffisamment de gens qui aiment des trucs très spécifiques pour que ces trucs très spécifiques puissent vivre et être rentables, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Non. En fait. Et puis il y a des savoir-faire qui se sont développés aussi. Ce qu'on l'a dit, Fallout 2, on ne s'est pas attardé plus que ça, mais vous l'avez compris, l'interface c'est horrible. C'est l'occasion, tu vois. Moi j'ai pu jouer à Wasteland 2 à peu près à l'époque, je crois c'est 2000, je sais plus. plus, 14, 15 ans, comme ça. Et voilà, il y a pas, j'ai pas le souvenir d'avoir galéré de fou sur les inventaires, les équipements, les poids, les machins qui sont aujourd'hui atroces dans un Fallout 2. Donc tu peux aussi, aujourd'hui, tu peux faire mieux. Tu peux quand même alléger l'expérience. Moi, je peux en parler, c'était vraiment Fallout 2. Là, c'est une expérience. Enfin, il y a plein de choses. Je l'avais noté dans mes notes. C'est un jeu qui déjoue tous mes instincts de joueur. Parce que déjà, moi, je suis pas un joueur PC historiquement. Moi, j'ai grandi vraiment avec les consoles. Donc ce genre de jeu-là, je les connais pas. Mais il y a plein de trucs, tu vois. Enfin, vraiment, arriver dans un village et ne pas savoir qui sont les personnages importants parce qu'ils se ressemblent tous. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas du tout de choix qui est fait. Il n'y a pas un point d'exclamation. Il n'y a pas les gens importants, ils n'ont pas un design différent des autres. Non, c'est le même asset que tous les autres. Chaman, c'est un peu, mais t'as d'autres villes, c'est plus compliqué. Vie qui ressemble à n'importe quel truc du cul. Tous les mecs, la goule qui est avec toi ressemble à toutes les goules. Donc, le mec, il y a une espèce de mercenaire qui peut te suivre. C'est le même mercenaire que tous les autres. Il y a vraiment un truc où quand t'arrives dans une ville, en fait, t'es censé parler à tout le monde et 90% ce sera des one-liners au-dessus de leur tête et c'est pas intéressant au bout d'un moment. Donc, ça, c'est clair que c'est important. Et c'est vraiment une ergonomie. Les combats sont extrêmement longs. Enfin, on l'a pas dit, le tour par tour, vraiment, quand t'es face à 10 chiens et que les 10 chiens doivent se déplacer, de faire leur petite morsure comme ça. Franchement, mais tu t'endors. J'ai mis tu peux mettre la vitesse à max en plus méga long. Donc, vraiment, non, pour moi, ça a été une expérience. Non, mais déjà, l'inventaire, en fait, t'as une colonne que tu scrolles. Tu peux avoir 100 objets sur toi. Enfin, t'as le poids quand même, mais juste tu scrolles sur une colonne. Voilà. Oublier les grilles, les beaux trucs. Non, mais les inventaires des persos. On dit le truc de troc. Une fois que t'as fait ton troc, tu peux pas dire c'est bon, au revoir. Non, il faut que tu retournes, que tu réactives le truc dialogue. Il y a une ambiance très, je trouve, menu de DVD. Moi, à l'époque où t'as des trucs qui slide devant toi, qui se mettent derrière, le truc du Pip-Boy, machin. Et tu sais, il y a un moment, tu fais non, mais c'est chiant, au bout d'un moment, arrêtez ou vraiment, soyez instantané. Je suis vraiment content de l'avoir découvert grâce à Fin du Game, parce que clairement, sans Fin du Game, jamais je n'aurais lancé Fallout 2, c'est évident, c'est pas ma cam, etc. Mais je suis content de l'avoir fait parce que j'ai découvert un truc, tu vois, pour la culture. Maintenant, est-ce que je recommande aux gens de le faire? Franchement, Avec des avertissements. Voilà, faut y aller vraiment dans cette démarche archéologique. Ouais, il y a de ça. Il y a ce côté, tu vois, pour l'histoire. Pour la curiosité. Et je conseillerais plutôt le premier, parce que du coup, moi, j'ai fait le 1 aussi. Pardon, est-ce qu'il y a un tuto dans le premier ou c'est aussi, il faut lire le manuel pour comprendre un peu comment interagir avec les trucs? Je sais moins, parce que du coup, j'avais lu le manuel pour le 2, j'avais déjà, parce je pense que j'étais 2... déjà plus. J'avais un peu plus apprivoisé la chute. Le 2, il y a zéro explication sur quoi que ce soit. Mais c'est un bouquin, il y avait un manuel de 127 pages, Maxime, il faut le lire aussi, quel est le problème? Je l'ai lu pour savoir comment rentrer dans une putain de ville, parce que c'est pas clair. Tous les deux avec Hugo, on était je ne sais pas rentrer dans une ville. Oui, on était sur la carte et tu sais, j'arrive, je fais je clique, tu vois. Et non, faut cliquer sur le triangle. Un petit triangle vert. En fait, chaque fois que tu t'arrêtes, t'as un petit triangle vert au niveau de ton perso et quand tu cliques sur le petit triangle vert, c'est là que... Oui, mais c'est aujourd'hui en fait, c'est non. Bien sûr, non, mais il y a plein de trucs qu'on changé. C'est sûr que si vous voulez jouer à ce genre de jeu, d'avoir un délire, il vaut mieux effectivement se tourner soit vers un Baldur's Gate 3, des Divinity Original Sin. Wasteland, c'était pas mal. Wasteland, Tyranny, parce que justement, des représentants moderne de cette vision-là, et évidemment, le meilleur, ça reste Disco Elysium, à mon sens. Vous pouvez faire ça, mais c'est vrai que si vous voulez voir un peu l'évolution du RPG en se disant, on va voir comment c'était à l'époque, allez-y, faites-vous plaisir, vous allez voir. Tu te dis, waouh, c'est vraiment un truc que, tu vois, autant, par exemple, pour prendre un autre jeu de 98, genre Zelda Ocarina of Time, tu vois, jouer à Elden Ring, tu vois, je vois la lignée très forte. Alors que ça, j'y joue, tu vois, les jeux populaires modernes, ça ne ressemble plus du tout à ça, jamais. Parce qu'entre-temps, il y a Diablo qui est passé par là. Et derrière Diablo 2, on est passé à Warcraft. Action RPG et tout, tu vois, Et ainsi de suite. Donc en fait, tu vois, il y a eu en fait un moment où l'histoire du jeu vidéo, tu sais, c'est des petites branches, elle s'est plus ou moins arrêtée en mode le RPG comme ça, c'est fini, vous pouvez oublier. Et c'est vrai que pendant des années, on n'en voyait quasiment plus de ces jeux-là, ou en tout cas pas. Il y avait de temps en temps un jeu, tu vois, adapté de l'univers de Donjons et Dragons, mais il y avait les Drakensang et il y avait 2-3 conneries comme ça. Les immersive sims ont tenté de faire un petit peu ça, mais du coup sur des arènes beaucoup plus serrées, parce qu'il y avait aussi cette idée de choix par le level design, mais tu pouvais pas être dans un monde ouvert avec des grandes villes, des grands machins, c'est pas possible avec ça. Non, du coup, comme le jeu vidéo il est parti dans son délire, grand spectacle, on a besoin d'argent, et donc plus on fait d'argent, plus on fait des jeux beaux et ainsi de suite, enfin tu vois, c'est vraiment, on est dans une fuite en avant constante, on y est encore aujourd'hui. D'avoir eu comme ça cette espèce de retour en grâce avec les Kickstarter, avec les vieilles gloires qu'on peut revenir devant, moi moi j'ai trouvé ça vraiment fascinant de voir justement et d'avoir vécu ça de l'intérieur, parce que bah, là on était adulte, j'étais assez grand, je commençais, enfin j'avais déjà commencé ma chaîne YouTube quand ça a commencé tout ce délire, donc bref ça fait longtemps, et d'avoir vu ça de l'intérieur, je trouve que c'est cool de se dire ah bah tiens on a pu revoir ce truc là revenir devant. Par contre on est d'accord, ça sera jamais, ça va jamais remplacer un Fortnite ou un Genshin Impact ou quoi que ce soit, bien sûr, c'est pas l'objectif, ça peut exister, voilà, exactement, ça peut exister. Ah non, mais c'est clair. Et puis, puis voilà, en fait, c'était aussi surtout cool parce que moi, c'est vraiment ça qui m'a choqué, c'est en jouant à Fallout 2, je me rends compte que, tu sais, ce qu'on disait, c'est vraiment toutes les promesses qu'on peut faire encore aujourd'hui, tu vois, genre immersive, vous allez pouvoir faire plein de choix de trucs. Mille planètes. Ouais, et franchement, Fallout 2 est déjà là-dedans, en fait. Il y a déjà ce truc, ouais, tu pourras faire plein de choses, tu pourras vraiment mener un peu ton aventure comme tu l'entends. Et tu dis, bah voilà, 25 ans plus tard, oui, on a beaucoup plus de graphisme et tout, mais ce truc vraiment de liberté et d'avoir l'impression de vivre un peu mille vies à l'intérieur de ce jeu-là, bah, il n'y a pas tant de jeux qui arrivent encore à le faire. Et je pense que c'est pas pour rien que ce jeu-là, il est vraiment culte et les gens qui ont été matrixés par ça, je pense à ce rédacteur là de Canard PC, Isuel, qui d'ailleurs quand j'ai fait un tweet sur Fallout 2, il m'avait dit oui bonjour parce que je râlais sur l'ergonomie, donc je le salue, c'est nous les gardiens du temple, hein. Mais vraiment en fait je comprends que ouais, si tu joues à ça quand t'es jeune et que c'est par là-dedans que tu rentres dans le jeu vidéo, forcément ça dessine un peu ta vision, comme moi c'est d'autres jeux qui ont dessiné la mienne, tu vois, et que je vais chercher quelque chose de différent. Oui, ça t'a laissé un truc que t'as pas forcément retrouvé ailleurs, et en plus on l'a dit, bon, il y a un univers qui marche toujours aujourd'hui, qui est très singulier, une DA et tout, une certaine, tu vois, on parlait de l'open world, mais le côté, je trouve, ouais, post-apo, les sociétés qui seraient, j'ai déjà dit, mais ce côté liberté d'action, tu peux choisir de rejoindre ou pas les factions, il y a une transgression de choix qui est beaucoup plus intéressante que dans plein d'autres jeux, parce que l'univers colle vraiment à cette vision. Et puis surtout, tu sais, on parle de post-apo, on se dit, mais enfin, tous ces putains de jeux, tout ce qu'ils doivent à Fallout, tu vois, dans l'esthétique, sûr, et tout, ouais, parce que vraiment, c'est un jeu qui a vraiment mis ce truc-là en avant, et pendant longtemps, tu sais, post-apo jeu vidéo, c'était cette licence, tu vois, il y avait pas, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, mais il y a quand même eu une période où c'était Fallout. Il y a eu la zombie mania depuis. Il y a eu la zombie mania, effectivement. La zombie mania. Est-ce que c'est jamais arrêté, tu vois? Non, pas vraiment. Bah maintenant, c'est devenu un peu un sous-genre, enfin un truc un peu plus populaire, c'est clair. Très bien. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir écoutés sur cet épisode de la Blacklist de Fallout 2. Et oui, on y est allé, on l'a fait. Voilà, on a fait le voyage dans le temps. C'était une sacrée expérience. Merci, fin du game. Et merci aux gens qui avaient voté de nous avoir... avoir emmené là-bas. Plutôt, il avait gagné contre qui? Grim Fandango et XCOM, je crois, le reboot. Je crois que c'est ça, ouais. Tout à fait. Tout à fait. On remercie une nouvelle fois notre sponsor Top Achat. Merci de nous avoir, de nous soutenir. Si vous voulez fabriquer votre PC pour jouer à Fallout 2, mais pas que, vous pouvez jouer, vous pouvez le faire ray-tracing, tourner. Exactement. Si vous voulez activer tout ça, vraiment avoir une expérience incroyable. Fallout 76 sans bug. Voilà. Alors ça, je sais pas si c'est possible non plus. Mais voilà, vous pouvez utiliser leur config-o-matic pour vraiment configurer et fabriquer votre bécane comme vous le souhaitez, en ayant la garantie que tout marche correctement. On remercie aussi nos patriotes, merci de nous soutenir sur la page Patreon. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel l'épisode 100. L'épisode 100, et on va parler de Deathloop, voilà. C'est tout. Non, il n'y a pas de problème. Le centième, c'était... parce que c'était la soirée à Paris. Pas voilà, pour nous. Pas pour nous, voilà. On est dans un espace temporel où on ne sait pas, ça se trouve, voilà, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, ça se trouve, on est mort. Je ne sais pas. Ah bah, peut-être l'épisode, l'apocalypse. Il n'est pas sorti, là, a priori. C'est compliqué. Il est sur mon ordi. Il est quelque part. C'est l'épisode de Schrödinger. Venez fouiller chez nous, montez-le et faites-le exister, voilà, comme les albums posthumes de Tupac. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Salut. Ciao. La guerre, toujours la guerre. La fin du monde s'est déroulée plus ou moins comme nous l'avions prévu. Trop de monde. Pas assez d'espace ni de ressources. Les détails sont triviaux et inutiles. Les causes, elles, sont comme toujours purement humaines. La Terre fut presque entièrement balayée de toute vie. Un grand nettoyage. Une étincelle atomique allumée par la main de l'homme prit rapidement des proportions incontrôlables. Il pleuvait des lances de feu nucléaires. Les continents furent engloutis par les flammes sous des océans en ébullition. L'humanité avait presque disparu. Son spectre venait hanter la couche de radiation qui enveloppait la Terre. Des ténèbres silencieuses allaient s'abattre sur la planète pour de longues années. Très peu survécurent au désastre. Certains eurent plus de chance que d'autres, et parvinrent à se réfugier dans d'immenses abris souterrains. Quand l'obscurité totale fut passée, ces abris s'ouvrirent, libérant ainsi leurs habitants qui allaient devoir reconstruire leur vie. Une tribu du Nord revendique son origine d'un de ces abris. Ces gens racontent que leur fondateur et ancêtre, connu sous le nom d'habitant de l'abri, a autrefois sauvé le monde d'un grand mal. Leur légende raconte que ce mal naquit dans le sud lointain. Il contaminait tout sur son passage, tordant les hommes de douleur, les changeant en monstres. Seul le courage de cet habitant de l'abri permit d'éradiquer ce mal. Mais en le détruisant, il perdit un grand nombre de compagnons et connut de grandes souffrances, sacrifiant ainsi sa vie pour sauver le monde. Quand enfin il rentra chez lui, après avoir tant lutté pour protéger sa patrie, il fut chassé, exilé. En ayant affronté ce pourquoi il tremblait, il n'était plus le même, n'était plus leur champion. Abandonné par son peuple, il erra dans le désert. Il s'aventura loin au nord, jusqu'à la région des Grands Canyons. Là, il fonda un petit village, Arroyo, où il vécut ses derniers jours. Et c'est ainsi que le temps d'une génération après sa création, Arroyo vécut en paix, protégé par ses canyons du reste du monde. C'est de là que tu viens, c'est chez toi. Mais les blessures laissées par la guerre n'ont pas encore cicatrisé, et la terre n'a pas oublié.